Jesus Nazareto, že svého syna poslal z nebes Bůh na svět, aby nevinně čerpěl smrt za naše grzechy i v pochabieniu žil vine všetkých nás. Díky ti, Bože můj, za ten křič, který Jezus čerpěl za mě. Jezus čerpěl za mě. Il frappa à la porte du vestibule et une servante qui en est rendue à son père pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle dit à l'entrée que Pierre était bon. Il lui dit qu'il est folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit que son nom. Cependant, Pierre continue à prier, il ouvrit et fut étonné de le voir. Pierre, vint et ayant de la main précise de ses pères, leur raconta comment le Seigneur l'avait sauvé de la prison. Et il dit, annoncez-le à Isaac et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans son métier. Les soldats furent dans une grande agitation pour savoir que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à son recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au tribunal. Ensuite, il descendit de la cité en Césarée pour y séjourner. Je pense que je peux m'arrêter là. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à comment le Seigneur avait délivré l'apôtre Pierre de la prison. Oui, c'est que je pense que quelle que soit la situation qu'on peut avoir dans la vie, même si on est vraiment désespéré à un niveau où, voilà, comme l'apôtre Paul, je pense que si c'était nous à sa place, je pense que pour certains, ils allaient déjà commencer à maudire Dieu. Mais lui, il est resté calme, il est resté dans la prière et il était surpris de voir comment Dieu l'a délivré. Et la façon dont Dieu l'a délivré, l'apôtre Pierre, vraiment, je ne sais pas comment dire, mais quand j'ai essayé de méditer sur ça, j'étais vraiment étonnée. Je dis, mais le Seigneur, il fait des choses parfois que ça ne pouvait pas du tout, par exemple, traverser l'esprit de l'apôtre Pierre de s'attendre à une telle délivrance. Oui, c'est vrai. Personnellement, je passe un peu des moments un peu compliqués. Et quand j'ai tombé sur ce chapitre, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup donné le courage de garder la foi, de ne pas désespérer malgré des persécutions, malgré tout ce qui arrive au quotidien. Donc, c'est un peu ça ce que j'allais partager avec toi, ce que j'avais vraiment dans mon cœur. Merci pour le partage, parce que vraiment, nous tous, nous vivons presque la même chose. Donc, je trouve que c'est un bon chapitre pour méditer. Pour méditer vraiment. C'est intéressant. Si nous tous nous pouvons faire comme l'apôtre Paul, donc rester attendre au moment que Dieu réagisse, parce que je me souviens que j'ai vécu ces moments et c'est comme ça. Je suis revenue de la maison, j'étais un peu malade et j'étais angoissée. Je me posais des questions, mais qu'est-ce que je peux faire? Le rythme de travail, c'est intense. Et je ne suis pas habituée à l'autre. Là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à réfléchir autrement, Bon, ce qui fait que, à la fin, j'ai pas eu le salaire. On ne m'a pas payé. J'ai demandé pourquoi j'ai pas eu le salaire à mon patron. Il ne m'a pas répondu. J'ai dit, bon, je vais remettre en sous les mains du Seigneur, prier seulement. Et c'est comme ça. J'ai fait part de ça au frère Nassour Lorna pour qu'on puisse prier et que le Seigneur touche le cœur. Si j'ai crois vraiment à ce salaire, qu'on puisse me donner. Et le Seigneur réagit toujours au moment où on ne s'attend pas. C'est comme ça que je suis restée tranquille. Je n'ai plus demandé, je suis restée tranquille. Dit que bon, je vais aller travailler. Si on me donne, je prends, on ne me donne pas, je reste et je continue le travail jusqu'au moment où mon temps va sonner, je rentre. C'est comme ça, hier en sortant, je suis passée à la banque, j'ai checké ma carte, c'est comme ça que j'ai vu mon salaire. Donc vraiment, c'est bien, c'est merveilleux. Là au moment où tu sens que non, Dieu est avec toi, il réagit au moment où tu ne t'attends pas vraiment. Parce que j'étais en colère, je me suis mise en colère. Je me suis fâchée que non, si j'ai pas mon salaire, mieux je rentre. Parce que ce que nous endurons même d'avoir dans les maisons, c'est pas facile. Et tu arrives encore, tu es malade, tu te soignes avec ton argent et à la fin du mois, tu n'as pas ton salaire, imagine. Donc vraiment, c'est un bon chapitre pour méditer, pour que vraiment nous soyons toujours encouragés à servir le Seigneur, à faire confiance au Seigneur. Oh, sois béni, oh, mon Dieu, Jésus. J'ai eu à discuter avec toi, parce que tu vois, moi j'ai changé de vie dans la ville où je suis là. J'ai trouvé des frères, mais on a un peu des discordes. Donc, concernant, tu vois, ce que nous, comme nous le savons déjà, sur la parabole du vrai, le blé là. Ouais. Bon, ici, en fait, donc, parce que personnellement aussi, je ne suis même pas trop restée là à discuter, faire des débats, non. Mais d'après les autres frères, eux, ils disent qu'au départ, on était tous fils du diable et on est devenu fils de Dieu par la vie. Et ils avaient pris un chapitre là dans le livre. Donc dans le livre de César, voilà, le chapitre 2. Chapitre 2. Alors, Quel livre de Philippe? De Philippe. Allô? Oui, allô. Tu as dit le chapitre 2 de quel livre? Éphésiens. Éphésiens. Shalom, shalom tout le monde. Bonjour, le frère Nassour. Shalom, oui. Frère Nassour. Comment tu vas? Ça va, Dieu merci. Et vous? Alléluia. Ça va très bien. Désolé, ça fait un moment que je me suis plus connectée. D'ailleurs, je suis là, donc, j'avais eu quelques jours de. Étranger et je vais acheter mon rythme de sommeil, ce qui fait que je vais rester plus éveillée la nuit, travailler comme ça, préparer les rapports, j'en avais tellement beaucoup, quand même si c'est un cycle master et tout. Donc, du coup, je travaillais plus la nuit et je dormais la journée, quoi. Donc, j'en avais très en retard que j'étais pas sûre que je faisais en ligne. En tout cas, nous, tu nous as manqué, quoi. Maman, je suis désolée. Et aussi, les amis, là, vraiment, c'est vraiment la poisse, quoi. On fait même cours ici, les dimanches, parce qu'on a des professeurs qui sont la majorité, ce sont des vacataires. Ils viennent d'autres villes. Et quand ils arrivent comme ça, on doit finir avec le programme. Donc, même les gens sont à court. C'est pour ça que j'étais pas là. Donc, vraiment. Non, c'est pas grave. Mais l'école, ça va quand même. Oui, ça va. Et aussi, quand je me reconnecte, je ne vois personne. Je n'ai pas vraiment tendu à écrire dans le courant. J'aime plus qu'en cause, en fait. Ouais. Je peux quand même les messages. Mais si tu vois bien, je peux laisser plusieurs messages, tu n'as jamais entendu. C'est pas que j'ai pas répondu. Parce que si je me mets à répondre, ça va faire beaucoup quand même. C'est pour ça que je préfère parler à tout un chacun pour ne pas être impoli ou apparaître comme si je ne veux pas me joindre à vous ou je ne pas comment les autres sont interprétés. Non, mais la tête, Gigi, tu nous fais quand même un coucou, même si tu dis que j'ai pas eu le temps. Nous, le jeu, comme ça montre quand même que tu as voulu être, mais tu n'as pas été disponible. D'accord, j'ai compris la prochaine. On dirait que c'est moi qui n'ai pas à l'heure. Quelle heure vous avez chez vous là-bas? Moi j'ai 15h35. Non, pas quel point là-bas, j'ai pas un peu. Moi j'ai 10h37. D'accord, ça veut dire que j'ai eu seulement le temps de 37 minutes de sommeil, quoi. On a décidé de prier pour c'est pas facile, quoi. On finit sur un cas. La fatigue nous prend après. La nuit de vendredi, j'ai même pas dormi. Bon, ici aussi, j'ai un peu trop fait. Tu m'as vu souvent avec eux. Non, tout à fait, bon, c'est tout. Et tu n'oublies pas de travailler, c'est une bonne chose. c'est important. C'est que, il ne faut pas que l'école et le monde se prennent tout le temps pour oublier la parole du Seigneur. Et la méditation et la prière, c'est... En tout cas, si tu le fais, c'est bon, quoi. Courage, c'est vraiment ce que je peux dire. Oui, on a une nouvelle sœur. Tu ne me connais pas, hein? Non, je ne l'ai pas entendu, c'est la première fois. En fait, dans les présentations. Bonjour, la sœur Claire. C'est la sœur Gigi. On est tous bénis, oh, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais, ma sœur Claire, et, comment tu vas? Oui. La grâce de Dieu. Voici. Amen. La semaine s'est bien passée. Oui, oui, oui. Malgré que hier, même, c'était le grand frère, comme ça finissait hier. Je vais étudier qu'on va toujours finir. C'est fini. On ne peut pas partir vraiment. Maintenant, tu vas pouvoir un peu te reposer. Oui, oui, oui, oui. Vraiment. Mais sauf que ton repos doit se transformer dans la méditation. C'est vrai. Et la sœur Caprice n'est pas venue aujourd'hui. Mais là, quand elle, c'est une grâce. Quand elle nous rejoint, c'est une grâce. C'est quoi? Elle est de quel côté? Elle est toujours ici au Maroc. Elle m'a dit qu'elle est dans Ouchta quelque part là-bas. Je sais pas. Oh. Allô? On t'écoute, ma soeur. En fait, le frère Nathan, je voulais juste faire une petite proposition. Personnellement, je ne sais pas où Skype sur le téléphone et allumer le PC, rester devant le PC. Je souffre un peu des yeux. C'est un peu difficile pour moi. C'est pour ça que je sais pas, je voulais faire une proposition à tout le monde. Si on pourra se changer les numéros de téléphone. Comme ça sur WhatsApp et une fois que tout le monde est en ligne, comme ça, si je ne suis pas connecté, si je peux te voir sur WhatsApp, je peux laisser un message, je peux te connecter, les soeurs peuvent valider. Juste, comment je vais dire, pour garder contact, quoi, parce que je trouve qu'on ne communique pas aussi assez. Okay. Ma soeur Gigi, c'est toi qui es un peu en retard. Que si tu te souviens, on va parler de ça. On s'est déjà changé les numéros. Je pense que soit tu n'étais pas là, soit tu n'avais pas communiqué ton numéro. Parce que avec les autres, au moins, c'est salut. C'est quand même que c'est pour ça que hier, j'ai écrit à ma soeur Claire qui dit que, oh ma soeur, j'ai même pas appris des choses mauvaises cette semaine. C'était pas bon. Ce qui dit que ce que tu es en train de dire là, c'est tout. On est en train de se faire. On est des gens comme des autres. Avec ma soeur, ils viennent entre les autres constamment, quoi. On est toujours en connexion. Bon, pour toi, alors, dis ton numéro et puis on va tous t'enregistrer, quoi. Voilà. Moi, les caméras, les vidéos, je crois. Le frère Seigneur, je les connais. va venir, frère. Merci. Hier, tu appelais le microphone était coupé. Tu me salues. Oui, je connais. Oui. Oui. Comment tu vas donc? Ça va. Et tu tiens le coup. Dans la sainteté, bonjour. Bonjour, Régino. Sois et sois béni. Mm-hmm. La sœur Claire, ça va? Par la grâce de Dieu. La sœur Isienne aussi. Oui. Bonjour, ça va? Comment vous allez? Je suis très content de que tu sois avec moi aujourd'hui. Oui. Mais depuis, vous êtes en retard. Oui. Le frère Nassourou, c'est comment? Mais je vous vois travailler chaque fois, c'est très bien. Comment vous travaillez? Ça va, le frère Nassourou? Non, ça va très bien, le frère Junior. Ça va, Dieu merci, tout va bien. La sœur Gigi Aïssa, bon. Oui, oui, je suis avec vous en esprit. Nous sommes dans la prière, n'est-ce pas? Oui. La sœur Gigi Aïssa, bonjour. Bonjour, frère Junior. Quel plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Oui, mais tu nous as abandonnés, on ne te voit pas. Non. C'est pas ça. Ça va? Ça va chez toi? Les coups vont bien? Oui, ça va. Je tiens le coup par la grâce de Dieu. C'est matin. Le frère Nassour, sa vidéo est partie. Pourtant, ça s'affiche. Il faut vraiment passer un peu sur la connexion. Moi, je vous vois tous. Ok, tu vois. Hein. Ok. Je crois qu'il a salué tout le monde. La soeur Albertine, elle est là. Bonjour. On ne te voit pas. Tu es où même? Voilà moi. Ah, ok. On te voit maintenant. La connexion est stable en Allemagne. Il y a encore qui... Donc, je crois qu'il a fait le tour de table. Voilà. On peut travailler ce matin, n'est-ce pas? Le frère Junior, je ne suis pas encore rentré en Allemagne. Tu es où? Tu es toujours en France? Je suis chez la sœur Nafisa. Ah. Je suis arrivé jeudi pour retourner lundi. Ok. À Paris Centre, parce que j'attends mon passeport. Ok. C'est ce qui me fait ça. Ok. Ils n'ont pas encore fait sortir ça. Mm-hmm. La sœur Lysienne, et toi, ça va? Je crois que sa connexion dérange. Tu nous entends bien? Son micro est certainement un problème. Ah oui, j'ai coupé le micro, désolé. Ça va bien? Les enseignements. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Les enseignements, la prière, le jeûne et tous les autres, ça va? Oui, ça va. Mais pourquoi il y a le vent chez toi comme ça? C'est le vent? Je suis sortie dehors parce que. Nous sommes trois dans la chambre et les gens entrent. C'est pourquoi je suis. Eh bien, dans ce cas, il faut arrêter ton micro comme ça. Donc, il faut arrêter ton micro en fermant le micro. Je dois arrêter mon micro. Oui, tu arrêtes le micro dans la paume de main. Non, tu tiens ton micro dans la paume de main. Tu parles dans la paume de main pour que les doigts bloquent le vent. Ok. Je suis montée au dernier niveau. Voilà. Au moins, c'est là, je suis seule. Mm-hmm. Alors, je suis à votre service ce matin. Il y a le vent qui passe. Uh-huh. La sœur Claire, elle est déjeunée encore. Si vous n'y trouvez pas d'inconvénient, prenons un sujet, on travaille. Moi, est-ce que vous avez des questions? Il faut qu'on travaille dans la Bible aujourd'hui, pas vrai? Mm-hmm. Vous avez votre Bible avec vous, non? Oui. Il y a le vent. La sœur Lysienne, coupe ton micro. Coupe ton micro parce que là, il y a le vent. Le vent de l'Arabie. C'est l'Arabie Saoudite, c'est ça? L'Arabie Saoudite ou bien. En Arabie Saoudite? Oui. Tu es à Jeddah? En Arabie Saoudite. Tu es où à Jeddah? Jeddah. À Jeddah. Mm-hmm. Bonjour là-bas, à toutes les populations de là-bas. Oui. Je suis à Jeddah. À Jeddah. Que le Seigneur vous bénisse là-bas. Alors, je suis à votre service. Amen. La sœur Gigi, si vous avez des questions, posez avant qu'on ne voit un thème aujourd'hui, selon que le Seigneur va nous diriger. Oui. Je vais poser ma question, frère Junior, avant qu'on ne voit ce thème. C'est l'homme d'abord qui pose. On dit que ladies, on dit ladies and gentlemen, ou bien gentlemen before ladies. Oui, frère Junior, oui. C'est concernant le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham, oui. Oui. Le Saint d'Abraham, il a été créé dès le départ quand le Seigneur choisit Abraham ou bien après la venue du Seigneur Jésus. Déjà, le Saint d'Abraham, ça veut dire quoi le Saint d'Abraham? Il a un gros ventre. Non. Ça veut dire quoi? À ma connaissance, c'est le lieu où vont ceux qui ont servi Christ sur la terre. Ben voilà, le lieu des hommes de foi, n'est-ce pas? Parce que Abraham est le type de père, est le type des appelés, là, ceux qui croient en Dieu et qui ont la foi, pas vrai? Mm-hmm. Donc le saint d'Abraham signifierait que le lieu où les gens qui ont le repos d'Abraham, le style d'appel d'Abraham se trouve, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ok, maintenant, tu poses la question que ça a été créé avec la venue du Seigneur ou bien c'était avant la venue du Seigneur. Si c'est un lieu de repos, quand est-ce que Dieu a achevé la création? Depuis la création du monde, depuis la Genèse. Voilà. Donc, ça dit qu'il a déjà tout créé. Donc, il a déjà tout créé, n'est-ce pas, frère? Oui. Mm-hmm. Des questions? Oui. C'est, C'est aussi parce que ça porte son nom. Mais je me pose une question par rapport à ça. Oui. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup. Qui me trouble un peu, c'est que. Par rapport à Samuel, oui. Quand Saül va consulter la voyante pour parler avec lui, mais Samuel sort de quel lieu? Il sort du séjour des morts. Mais est-ce qu'il ne devait pas se retrouver dans le sein d'Abraham? Que non. Maintenant, écoute bien. Écoutez très attentivement pour une fois pour toutes, pour que ce problème soit réglé. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, comme tu es en train de signaler, on voit effectivement lorsque l'apôtre, comme Saül avait désobéi à Dieu, et de son vivant, Samuel ne lui parlait plus, Dieu ne lui donnait plus des oracles, pas des prophètes, ni pas des songes. Il a décidé d'aller consulter cette sorcière-là. La Bible déclare que cette personnalité montait de la terre. D'accord? Cette personnalité-là montait de la terre. Samuel montait de la terre parce qu'il n'est pas descendu du haut. D'accord, mon cher frère? Maintenant, lorsqu'on lit le livre de Luc, dans le livre de Luc, où l'histoire des riches et de Lazare est mentionnée, on voit effectivement que Lazare a été transporté dans le sein d'Abraham et ce sein d'Abraham se retrouve comme étant en haut. Parce que la Bible déclare du séjour des morts, l'homme riche a levé la tête en haut. Donc, ça dit géographiquement parlant, par rapport à ceux qui sont en bas, le séjour des morts est en bas, comme le livre des Proverbes au chapitre 15 nous signifie exactement. D'accord? Allons dans le livre du Proverbe chapitre 15. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Que Dieu vous Oui. bénisse. Amen. Oui, Proverbe du chapitre 15. Verset 11. D'abord. Il est écrit, le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Voilà. Encore. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Donc, le séjour des morts est comme quoi dans ce verset? C'est comme le séjour de mort ici, c'est comme l'abîme qui est devant les ténèbres. Chapitre 27. Avant d'aller au chapitre 27, restons au chapitre 15, lisons le verset 24. Notre chapitre 27, on va continuer rapidement. Chapitre 24 dit, non, si tout le monde dit, hein. Chapitre 15, verset 24. 24, pardon, le verset 24 dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il ne se tourne au séjour des morts. Qui est en bas. Qui se détourne du séjour des morts, du séjour des morts qui est en bas. Donc ici, donc de façon géographique, le Saint-Esprit nous dit clairement que le séjour des morts se trouve où? En bas. Et le sentier de la vie se trouve où? En haut. Ça veut dire que les deux, voilà les deux destinations qui sont réglées. Les deux destinations ne sont pas au même endroit. Pour le séjour des morts, ça se trouve en bas. Pour ceux qui vont vers la vie, ils vont en haut. Donc dans le livre de Luc au chapitre 16 justement, si vous lisez à partir du verset 19 jusqu'au verset 31 de l'histoire des riches et de Lazare, la Bible, allons là-bas, voyons cela, le livre de Luc, je ne sais pas où j'ai mis ma Bible ici aujourd'hui, ok, c'est la version anglaise qui est ici. Bon, dans le livre de Luc au chapitre 16, si vous y êtes, Luc. Oui, chapitre 16. Oui. Verset 19. Il Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de femmes de la jour, menées joyeuses et en tout. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert de fer et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses souffrances. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en train au tourment, il vit de loin Abraham. Il vit au loin, pardon, Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il n'y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui vous fait passer ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, en garde c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Donc, d'après cette histoire, nous voyons au verset 22, lorsque les deux sont morts, la Bible déclare que quand le pauvre est mort, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Or, nous voyons effectivement que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Donc, ça veut dire que ce n'est pas son corps physique qu'on a transporté là-bas. Puisque comme c'est un pauvre, forcément, il n'a même pas de sépulcre. Puisque même de son propre vivant, les chiens venaient lécher son... ses plaies. Ce n'est pas quand il va mourir qu'on va lui donner un enterrement digne. Comme on fait aujourd'hui, on met les fleurs et on fait les tombeaux. Donc la Bible déclare que lorsqu'il est mort, les anges l'ont transporté dans le sein d'Abraham. Alors, lorsque les anges le transportent, ce n'est pas son corps physique qu'on transporte déjà. Maintenant, la Bible déclare que le riche mourut aussi et il fut enseveli. Comme pas d'ensevelissement, c'est parce qu'on a mis quelqu'un dans un trou, on a versé la terre dessus. Donc il a été enseveli. Maintenant, lorsqu'il a été enseveli, son histoire aussi ne s'arrête pas là. Maintenant, quand on l'a enseveli sur le plan physique, dans ce qu'on appelle le sépulcre ou bien la tombe, il s'est aussi retrouvé quelque part. Donc, avis aux gens qui pensent que lorsqu'on meurt, c'est terminé, c'est pas terminé. Lorsque vous fermez les yeux, que votre corps est mis à la morgue ou bien dans la terre, autre réalité se passe. Et c'est dans cette dimension de cette réalité-là qu'on veut nous expliquer maintenant. Un, les deux sont morts. Le riche s'est retrouvé enseveli. Enseveli, ça veut dire dans notre tombe physique. Mais on dit maintenant qu'il s'est retrouvé au séjour des morts. Le séjour des morts ne va pas avec le corps physique non plus. Ce n'est pas le séjour des morts n'est pas non plus la tombe, comme les témoins de Jéhovah disent. Ce n'est pas le séjour des morts. Il y a des aspects dans la Bible où le séjour des morts se réfère à la tombe, mais il y a la tombe, le sépulcre et le tombe, le séjour des morts aussi. Maintenant, pour dissiper ça rapidement, avant de revenir, avant de continuer, pour expliquer à quelqu'un qui pourrait nous écouter, qui est peut-être d'ailleurs écouté les faux enseignements des témoins de Jéhovah, que le séjour des morts ne représente pas la tombe dans la Bible. Mais vous allez remarquer, allons dans le livre d'Apocalypse, faisons-y un tour avant de revenir dans ce livre de Luc. Donc ne fermez pas cela. Frère Nassur, merci pour cette question, d'accord? Exactement. Donc, rapidement, Apocalypse chapitre 20. Vous y êtes? La sœur, juste, ta connexion n'est pas bonne. Je ne sais pas lequel. La sœur Claire, parle un peu, voir je suis, si ta connexion est claire. Oui, je crois que ta connexion est bien plus claire pour la lecture, quoi. Parce que la sœur, c'est comme si elle est un peu éloignée du micro. Donc, comme ta connexion est claire, tu peux nous lire le verset 11 jusqu'au verset 15 de Apocalypse chapitre 20. Puis on va revenir dans le livre de Luc, d'accord? Et je continue. Alors, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui et ne se retrouva plus de place pour eux. Alors, je vis les morts, les grands et les esprits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux et ils furent jugés. Chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Amen. Quiconque. Ça va? Non, vas-y, ma soeur, finis. Quiconque ne fut trouvé inscrit dans le livre de la vie. Dans le livre de la vie fut jeté dans les temps du feu. Oui. Amen. Donc dans ce dans voilà donc si il y a la s'il y a la confusion dans la Bible, voilà au moins le dénouement final. C'est-à-dire que l'endroit final où on voit comment tout va se passer. Et d'après ce qui est écrit ici, on dit que lorsque le trône blanc va siéger, toute personne va ressusciter. Or, maintenant, sur la terre, nous voyons que selon les cultures, il y a des gens qui font la crémation. C'est-à-dire que, comment vous appelez ça, ils ont des fours pour pouvoir rendre la personne, le corps de la personne en cendres. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. En Inde, par exemple, vous voyez comment on met les gens sur le bois, on met le feu, on brûle jusqu'à ce que la personne puisse brûler, on ramasse en cendres. Vous voyez, d'autres personnes, on stocke dans des bouteilles, on jette dans les mers, ainsi de suite. Mais la question c'est, ces personnes, est-ce qu'on les a enterrées de façon conventionnelle comme chez nous on enterre les gens ou on enterre les gens dans les sépultures? On ne le fait pas vrai. Mais cette personne, si qu'on a brûlé, ou bien tous ces milliards de personnes qu'on brûle depuis des années en Inde seront ressuscitées. N'est-ce pas, mes frères? Alors, ils sortiront donc de quel tombeau, puisqu'ils vont ressusciter? Il y a des gens qui, en mourant, la soeur Albertine, veut fermer ton micro. Si tu nous entends, c'est ton micro qui fait le bruyage là. C'est désagréable ce son là. Allô? La soeur Betty nous entend? Oui, je vous entends. Oui, coupe ton micro. Il y a un bruit désagréable en fond dans ton micro. Faut pas qu'on coupe ce développement, c'est juste parce qu'il est déjà terminé rapidement. Si ça te dérange, tu quittes le forum avant de revenir parce que c'est désagréable. Ton micro n'est toujours pas fermé. Voilà, c'est bon. Je crois qu'elle va, comme elle a quitté, c'est pas toujours fermé ton micro. Alors, je tente de le dire donc, quand vous voyez les gens de l'Inde, quand on fait la crémation, quand quelqu'un meurt, on les brûle au feu avant de les jeter, on met la cendre. Mais de toute façon, ces personnes, ceux qu'on a brûlés, vont revenir. Il y a des gens dans la Bible, des milliers de chrétiens qui sont morts, autant de Néron et les autres papes, les empereurs qui ont persécuté l'église, on les a jetés en pâture au lion, le lion les a mangés. Quand le lion les a mangés, ils ne sont pas enterrés dans un sépulcre. Pourtant, ils vont ressusciter parce que Jésus a dit que quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Cette personne, ce qui a été mangé par le lion, se ressuscitera. Pour ceux qui sont de la région du Cameroun et dans d'autres parties de l'Afrique où on fait, on enterre les gens et puis plusieurs années par la suite, on veut enlever le crâne, Le cas de Jean-Baptiste également, c'est un autre cas typique des Bamileke de l'ouest du Cameroun. Parce que Jean-Baptiste, lui, on a coupé sa tête. On est venu donner à la maman de la fille d'Hérode là, la Hérodia. Et elle est allée, on ne sait pas si elle allait faire la manger avec ou elle allait faire n'importe quoi. La Bible déclare qu'on a pris la tête, le corps, les disciples du Seigneur de Jean-Baptiste sont venus prendre son corps pour aller enterrer. Donc Jean-Baptiste était enterré sans sa tête. Vous direz que Jean-Baptiste, quand il va ressusciter des morts, au jour du jugement, est-ce qu'il n'aura pas de tête? Donc vous voyez effectivement que c'est pour dire clairement que lorsqu'on meurt physiquement, le corps physique, même si on fait n'importe quoi de votre corps physique, la partie spirituelle de vous, personne ne peut toucher. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean, dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, qu'il ne craignait pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire qui peut tuer le corps et faire périr l'âme dans la géhenne. Donc le corps et la l'âme, c'est deux choses différentes. Alors c'est l'âme, c'est la destination de l'âme qui nous importe. Donc lorsque le corps physique cesse de vivre sur la terre, il accomplit ainsi la parole qui a été dite, de la poussière tu as été tiré et tu retourneras à la poussière. Maintenant, retourner à la poussière a plusieurs façons. Parce que l'eau, la poussière que nous voyons là a été sortie de l'eau. La poussière est sortie de l'eau. Donc, ça veut dire que même si vous mourrez dans l'eau, de toute façon, on a vu dans ces apocalypses-là que même ceux qui sont dans l'eau vont venir. J'y arrive maintenant. Et donc, même si on vous brûle par le feu, vous devenez la cendre, tôt ou tard, vous êtes dans la poussière, vous allez revenir dans la poussière. Donc, que vous mouriez dans le ventre d'un lion ou bien dans le ventre, que ce sont les biches qui vous mangent, lui-même va mourir et vous allez fondre toujours dans la poussière. Donc, la loi va rester quand on vous enterre, gros comme vous êtes, ou bien comme vous émiettez, ou bien comme vous écrasez, vous retournez à la poussière de toutes les façons. Mais la partie de vous que la poussière ne doit pas toucher et ne peut pas toucher, c'est la partie spirituelle. Et c'est la partie spirituelle donc qui va soit au séjour des morts, soit dans le chemin de la vie, tel qu'on a lu dans ce livre de Proverbe chapitre 15, verset 24. Maintenant, le renseignement nous est donné ici dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20 que lorsque le trône du jugement s'est positionné, les morts sont ressuscités. On dit la mer rendit les morts qui étaient en eux. Alors, je vous pose la question maintenant. Comment est-ce qu'on fait les enterrements dans la mer? Vous avez vu le cimetière dans la mer? Dans la mer, dans ce cas, de quoi est-ce qu'on parle alors ici? C'est Gigi, chez vous, dans le fleuve Congo, on enterre les gens là-bas? Non. Bon, écoute donc ceci. Chez vous, là, votre fleuve Congo là, va faire des inondations, va faire des catastrophes terribles dans votre pays. Au point où, enfin, ça sera sur le plan international, vous allez voir. À cause de ces choses qui s'y passent là-bas avec les trucs de reine des côtes. Alors, je pose la question, donc, j'étais en train de parler. Je dis, est-ce que ça veut dire qu'on enterre les gens dans l'eau ou bien ce sont les gens qui sont comme morts par noyade dans les bateaux? C'est ça dont on parle? Mais pas qu'on enterre des gens dans l'eau, mais je dirais qu'on périt dans l'eau. La CGG, ta connexion n'est pas bonne. Je sais pas, ne t'éloigne pas de ton micro. Et mets le micro tout près de ta bouche. Je dis voilà. Pas qu'on enterre les gens dans l'eau, mais je dirais plutôt que les gens qui ont péri dans l'eau. Oui. Donc, ça veut dire que dans Apocalypse chapitre 20, ce sont les gens qui sont morts par noyade qui sont enterrés comme ça, qui doivent que c'est la mer qui va les mordre. Mais vous savez, effectivement, quand les gens meurent dans l'eau, de toutes les façons, l'eau les expulse, n'est-ce pas? Vers les terres. N'est-ce pas? La majorité. Alors, maintenant, la Bible déclare la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts, regardez bien les deux endroits. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Maintenant, c'est le mot séjour des morts qui nous a intéressé, qui nous intéressait tout à l'heure là, parce que nous étions en train de lire Luc chapitre 16. Dans séjour des morts est toujours dit au singulier, on ne dit jamais les séjours des morts, donc c'est au singulier, c'est un seul lieu. C'est vrai que vous mourrez à Dida, vous mourrez à Rabat, à Casablanca, quoi, à Bordeaux ou n'importe où, vous allez au séjour des morts. Or, dans chacun de ces endroits que je viens de citer, il y a les cimetières. Et dans chaque cimetière, il y a les tombes, ou mieux encore, les sépulcres. Donc, les sépulcres peuvent être mis au pluriel, parce qu'il y a plusieurs sépulcres, il y a plusieurs tombes. Mais pour ce qui est des séjours des morts, on dit toujours le séjour des morts. Pourquoi on ne dit pas les séjours des morts? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la tombe, c'est le lieu de rendez-vous de tout le monde lorsqu'on a quitté cette terre, c'est en principe. Si on est dans la culture où on enterre les gens dans la terre. Si on n'est pas dans la culture où on enterre les gens dans la terre, ils n'iront pas dans la tombe. On va les brûler, comme j'ai parlé tout à l'heure, là, ou bien les faire fondre. Et d'autres façons, on verse ces flammes dans les montagnes, ou bien dans l'eau, ou bien mettre dans les bouteilles pour conserver dans la maison. Mais ici, je sens de vouloir lever un pan de voile sur le mot séjour des morts. Le séjour des morts est utilisé au singulier. Or, maintenant, on dit et maintenant que le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. Vous voyez cela? Le séjour des morts. Donc, le lieu là a été jeté. On n'a pas dit que Jésus a pris les tombes. Ça n'aura même pas de sens pour commencer. Jésus n'a pas ramassé tous les tombeaux qu'il y a sur la terre pour jeter dans le séjour des morts. C'est pas ce qu'on nous dit. Vous voyez? On n'a pas dit qu'on a. C'est-à-dire que votre tombe catholique là, vous savez, les cimetières catholiques, il n'a pas pris une tombe jetée dans le feu. Prends une autre tombe jetée dans le feu. C'est pas ça dont il est question ici. On dit que le séjour des morts. Donc ça veut dire que c'était pour corriger ce que les témoins de Jéhovah enseignent en fait fausseté, que le séjour des morts c'est le sépulcre. C'est pas le sépulcre. Parce que Dieu ne jettera pas le sépulcre en enfer. Le sépulcre c'est un lieu, c'est tout simplement un lieu de tombe, puisque lorsque les vestiges des Paris sont construits sur les tombes, la majorité des grandes villes sont construites sur les anciennes tombes. Donc ça veut dire que là ce n'est pas le séjour des morts. Alors le séjour des morts donc c'est le lieu où partent les âmes de ceux qui sont décédés sans Christ Jésus, sans espérance de la vie éternelle. Vous suivez, n'est-ce pas? Et dans ce lieu-là, englobe donc des gens, avale les gens depuis des millénaires. Les gens y font. Maintenant, dans le livre de 1 Samuel, c'est-à-dire sous l'ancienne alliance, donc, le séjour des morts, d'après ce que la Bible nous révèle, le séjour des morts était divisé en deux compartiments. Parce que dans ce livre de Luc au chapitre 16 que nous sommes en train de lire, vous remarquez que ce riche-là va dire à Lazare, à Abraham, il dit que je souffre cruellement dans cette flamme. Donc, le lieu. La partie du séjour des morts où il se trouvait. J'espère que vous avez lu ça tout à l'heure, non? Nous avons bien lu que le riche a dit, il souhaitait même qu'on mette seulement le doigt dans de l'eau, parce que tellement la chaleur était tellement intense au point où il pensait que une seule goutte d'eau était suffisante pour pouvoir le contenir sa soif. Or, il ne sait pas que si on apporte l'eau là-bas, la quantité de chaleur qui est là-bas va faire fondre l'eau, va faire évaporer l'eau. Mais tellement il avait soif. Maintenant, le point c'est, dans le séjour des morts, dans le séjour des morts où il se retrouvait, on souffre. Maintenant, allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. Comment mon frère? 1 Samuel chapitre 28. C'est là-bas, non? Oui. Voilà. Je vais lire à partir du verset 1, d'accord? Suivez dans votre Bible. En ce temps-là, les Philistins rassemblaient leurs troupes et formaient une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Achish, tu vas bien, je crois que j'y suis là. D'accord? Tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Achish dit à David aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Maintenant, Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassemblait tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec deux hommes. Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Vous avez vu l'expression, n'est-ce pas? Il dit, fais-moi monter. La personne, il n'a pas dit, fais-moi descendre. Donc cette personne doit monter. Et quand on parle de monter, si vous dites à quelqu'un, si vous ouvrez la bouche, vous dites déjà à quelqu'un de monter, ça suppose que cette personne se trouve plus bas que vous. Oui, cela, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc, il dit que fais-moi monter. Donc, ça veut dire que là où se trouve, puisque c'est un homme, ses pieds sont positionnés sur la terre. Ça suppose que la partie où cette personne, ce qu'il veut monter, faire monter, se trouve en bas de ses pieds. Nous sommes d'accord. Voilà. Fais-moi monter, c'est celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Voilà quelqu'un qui sait Dieu, qui part chez le marabout, et là-bas il invoque le nom de Dieu chez le marabout. C'est quand même terrible. Verset 11, la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu, écoutez bien, qui monte de la terre. Vous avez vu cela? Souligné, souligné. Pour la sœur Claire qui est en train de lire plutôt sur le laptop là-bas, je ne sais pas comment elle va faire. Fais-moi monter. Il dit que. Elle Je dit, avec les colons. voilà. Elle dit que donc je vois un Dieu qui monte de la terre. Donc, elle nous dit clairement ce qu'il en est. Mais l'histoire nous montre clairement que quand la femme voyait cet homme-là, Saül, lui, il ne voyait pas. Parce que Saül, ils sont présents face à face. Mais c'est lui qui lui pose la question de savoir, dis-moi ce que tu vois. Ça veut dire que c'est elle seule qui voyait. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le corps physique de Saül. Parce qu'en fait, de toutes les façons, voici encore voici comme je tente de développer par rapport au sujet de moi tout à l'heure. Remarquez que Saül, on dit clairement que quand Samuel est mort, il a été enterré à Rama. C'est ce qu'on a dit chez lui, c'est à Rama. Mais ici, ce n'est pas à Rama qu'on allait l'invoquer. Je ne sais pas si vous comprenez. On allait l'invoquer à Andorre. Andorre et Rama sont séparés de plusieurs centaines de kilomètres. Vous voyez cela? Donc, on n'est pas allé sur la tombe de Samuel pour le faire monter là-bas, pour que les gens disent que non, il était dans le sépulcre. Donc, vous voyez effectivement que si on n'est pas envoyé de Dieu, on va toujours enserrer des hérésies comme ça. Donc, vous voyez que Samuel a été enterré à Rama. Ça veut dire que quoi? Si quelqu'un est enterré au Cameroun, et qu'il est, d'après ce qu'on a expliqué ici, je ne dis pas que ça se fait encore. En Arabie Saoudite, on peut faire sortir la personne. N'importe où sur la terre, on peut invoquer la personne sort en le faisant monter le séjour des morts, d'après ce qui est présenté là. Alors, le point, c'est que ce n'est pas Samuel physique qu'on a enterré. Si, pendant ce moment, si on l'invoque là, si on va dans sa tombe à Rama, on va voir que ses os sont déposés là-bas. Qu'il y a sa momie là-bas dans sa tombe. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mais là, de l'autre côté, en Andorre, il est en train de parler. Bien en forme. On le voit enveloppé. Il ne sort pas avec comme un Dracula avec les os sur lui, comme on dessine sur les habits là. Non. Il est là bien en forme parce que la femme dit qu'il voit un Dieu, quelqu'un comme un Dieu qui, quoi, un Dieu qui monte de la terre. Verset 14. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Il n'a pas dit c'est le squelette. Non. Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Donc, on voit effectivement que si on va dans le cadre, dans la tombe de Samuel, on va voir que peut-être les vêtements ont été dévorés par les teignes et ainsi de suite et tous les trucs, les intempéries de la vie. Vous voyez? Mais ici, il dit qu'il voit un vieillard qui monte avec couvert d'un manteau, il enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Maintenant, on dit, Samuel dit à Saül, c'est le Saint-Esprit qui dit qu'il était question de Samuel. Samuel dit à Saül, écoutez bien, écoutez très attentivement, verset 15. Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Donc Samuel lui-même, il dit clairement qu'il est monté, donc il est sorti du bas vers le haut. Je ne sais pas si vous comprenez. D'après ce que nous avons lu dans le livre Proverbes chapitre 15, verset 24, on avait dit, bien dit effectivement que le séjour des morts était en bas. Et le chemin de la vie, le sentier de la vie était en haut. Et lorsqu'on en a dit comme ça, le point de référence, c'est la terre. Parce que la personne qui en a décrit est sur la terre. Quand il parle de en haut, c'est en haut par rapport à lui. Quand il parle de en bas, c'est en bas par rapport à lui. Donc ça veut dire que le séjour des morts est plus bas que la terre. Le chemin de la vie est plus haut que la terre. Vous me suivez, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Alors, dans ce verset 15 encore, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Soulignez ça. Pourquoi m'as-tu troublé? Parce qu'on va faire des commentaires maintenant. En me faisant monter. Vous avez souligné? Maintenant, vous voyez que Contrairement à ce que nous avons lu dans le livre de Luc au chapitre 16, je ne vois même plus la vidéo d'Hérésienne, ni de Nassiri, ni de Gigi. Bon, de toute façon, si vous m'entendez, l'essentiel y est. Mais chaque fois quand vous travaillez, Non, mettez les vidéos pour vous voir. Parce que c'est quand vous voyez comme ça, vous me voyez, vous n'êtes pas aussi content. Mais moi, je ne vous vois C'est je parle au micro, on ne t'entend pas. ma vidéo, elle est ouverte. Je Ok. comprends pas Je crois que c'est la que connexion tu qui sois a pas chuté. qualifié. C'est la connexion, ça doit être la connexion qui a chuté. Et on va y, ça va se stabiliser. Bon, le point que je tente de le dire, c'est ici. En prenant l'histoire qui se trouve dans ce 1 Samuel chapitre 28, puis ce que nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 16 tout à l'heure, nous voyons donc deux états, ou bien deux températures du même lieu. Ici, il est question de faire monter un mort. De l'autre côté, il est question, on donne le renseignement de ce que le mort est en train de vivre de l'autre côté. Mais dans l'un et dans l'autre cas, nous voyons que dans le livre de Luc chapitre 16, le monsieur là a dit qu'il souffrait cruellement dans les flammes. Et il priait même qu'on lui apporte de l'eau pour mettre sur la langue, n'est-ce pas, frère et soeur? Ça veut dire que ce monsieur-là, si on le faisait sortir même pour une minute, il serait très content, pas vrai? Voilà. Amen. Voilà. Mais maintenant, Samuel, dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, Samuel, lui, il n'est pas plutôt content comme on l'a fait monter. Oui, parce que le moment n'était pas encore propice. Oui. En tout cas, ce n'est pas le point où je vais faire souligner. Le point que je vais faire souligner, c'est que le Oui. riche, lui, C'est dans bien. son côté, souffrait, étant en bas là-bas. Oui. Alors que Samuel, lui, il a dit ici que pourquoi m'as-tu troublé? Donc, il a dit que c'est le fait qu'on l'a monté qui le trouble. Pas que là-bas il était troublé, parce que s'il souffrait là-bas comme le riche là, il serait même plutôt content que que Saül l'ait fait monter pour qu'il se repose un peu sur la terre. Vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Donc, c'est si. Oui, mon frère Nassiro. C'est un endroit là-bas. En fait, ça veut dire qu'il était là, il était tranquille, il se reposait, il tombe même le Voilà, troublé, il tu as dort bien, même tu as dans bien, son canapé. tu as bien saisi. Donc il y avait même le canapé où il se couchait même là-bas peut-être, c'est ça même. Alors, ceci donc révèle que le séjour des morts avait deux compartiments. Le compartiment de ceux qui souffrent et le compartiment de ceux qui ne souffrent pas, mais qui étaient gardés pour un temps pour monter. Matthieu chapitre 27, allons dans Matthieu chapitre 27. On y va. Et comme vous allez voir dans la suite de la prophétie, Samuel va même lui dire que de même, toi et tes enfants, vous serez avec moi ici dans ce lieu. Donc ça veut dire qu'ils vont, même les Saül et les fils Jonathan et au-delà, devraient aller aussi là-bas rencontrer Samuel là-bas. Ils vont continuer la discussion là-bas. Bon, j'ai dit quel livre déjà? Oui. Matthieu chapitre 27. Prenons le verset 50 à 57, je crois. Matthieu 27, 50. Oui. Jésus poussa de nouveau un grand Jésus cri poussa. et rendit l'esprit. Le frère Nazareth, ferme ton micro, il y a un écho chez toi, le temps que la sœur lit. Oui, ma sœur, vas-y. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ma soeur. Donc la Bible déclare que quand notre Seigneur Jésus-Christ a crié à la croix, ce dernier cri qu'il a poussé, le voile du temple s'est déchiré. Et ça s'est déchiré, souvenez-vous, depuis le haut jusqu'en bas. C'est quand même terrible. On n'a pas dit depuis le bas jusqu'en haut, depuis le haut jusqu'en bas. Ça a déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Donc ce n'est pas un homme qui a déchiré, c'est Dieu lui-même qui a déchiré le voile pour montrer que désormais maintenant, le lieu saint est ouvert, le lieu très saint est ouvert maintenant, accessible à quiconque au travers du voile de la chair de Christ qui est détruit à la croix. Maintenant, la Bible déclare donc que quand il a poussé, que le voile du temple s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Quand la terre a tremblé, Dieu dit par là qu'il n'oublie pas ceux qui sont morts, qui sont couchés, en étant quoi? En ayant confiance au Seigneur Jésus-Christ qui avait donné sa promesse. Par conséquent, il secoue les rochers pour parler aussi aux morts que ce dont vous aviez eu à entendre dans l'ancienne alliance a été accompli. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue les rochers. Plusieurs corps, la Bible déclare, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Maintenant, étant sortis des sépulcres, vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure là? Ici, on parle des sépulcres, donc c'est les tombeaux. Donc, on a vu comment les tombeaux s'affaissaient, les gens sortaient. Ça se fait, les gens sortaient. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre va dire que le tombeau de David est parmi nous aujourd'hui. Vous voyez, parlant de David en disant que tu ne permettras pas que ton bien-aimé va à la corruption. Il dit que qu'il me soit permis de dire à tout Israël que voilà le patriarche de David, après avoir servi au dessein de Dieu, a été enterré et son tombeau est parmi nous, son sépulcre est parmi nous. Donc il connaissait là le lieu de la tombe de David pendant qu'il en est de parler ainsi. Alors on dit donc que plusieurs corps de ces sépulcres-là, les gens sont sortis. Vous voyez effectivement que ça veut dire que leur corps physique était dans la tombe, mais ils sont sortis par la résurrection. Donc Dieu les a fait sortir au point où les sépulcres sont sortis, les sépulcres sont affaissés pour qu'ils voient de façon identitaire que les lieux où on avait enterré les saints, les Jacob, Abraham et ainsi de suite, étaient des lieux où Dieu devait appeler et que les gens sortent, comme il a dit dans Jean chapitre 5, l'heure vient où les morts entendront et ceux qui auront fait du bien sortiront du sépulcre pour la résurrection. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Alors nous voyons effectivement, il fallait que c'est plus cliché au pluriel. Frère Général, Oui. oui, justement, tu as juste anticipé la question concernant ce passage ici. Oui. Parce que justement, quand j'étais en train de pour savoir vraiment d'où partait cela, parce que si le Saint Abraham était là depuis, il devait directement se retrouver là-bas. Maintenant, le Non, Seigneur non, vient. non, c'est là, c'est là, c'est le point là où je vais expliquer. C'est là, Oui. c'est le point. Regardez. Bon, allons-y, ouvrons le livre d'Hébreux pour bien voir cela. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Tu vas revoir. Donc, il n'était pas possible que. C'est pour cela que j'ai pris les deux cas dans Luc chapitre 16 et dans 1 Samuel chapitre 28. Pour que vous voyez effectivement qu'en réalité, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, parce qu'il fallait que le problème du péché, que le péché soit supprimé d'abord. Il fallait que le péché soit supprimé pour que les gens entrent dans le lieu de repos que Dieu avait promis. D'accord? Parce que le lieu de repos, c'est au travers de Christ Jésus. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 7 dit que Dieu avait prévu que lorsque les temps seraient accomplis, il devait réunir toutes choses, ce qu'il y a sur la terre et ce qui est dans les cieux, tout cela en Christ. Il ne peut pas quoi, les réunir hors de Christ. C'est en Christ que ça devait s'ouvrir. Or, pour que ça puisse faire comme ça, il faut que Christ échange sa vie. D'accord? Il faut qu'il prenne ceux qui sont allés dans la chair, goûter au péché. Il faut qu'il entre dans la chair pour goûter à la souffrance, pour les faire retirer du péché, avant que les gens soient réunis. Donc, avant donc que Christ ne vienne, les gens étaient gardés temporairement donc dans ces lieux de ce jour de mort, dans ces lieux pour ceux qui avaient pratiqué la justice. Et donc, de telle enseigne que lorsque Christ est venu maintenant, ils pouvaient les faire entrer. Par conséquent, lorsque les gens meurent maintenant, ils y entrent maintenant. D'accord, mon cher frère? Amen. Voilà. Hébreux chapitre 11. D'accord. Bon, on y va. Si, je continue. Oui. Lisons le verset 37 à 40 d'abord, et puis tu feras le commentaire par rapport à ce qu'ils sont de dire et ce que tu tentes de dire. Verset 37 à 40. La sœur peut nous lire, non? Hébreux 11, 37. Il fut lapidé, scié, torturé, il murmure. Mourir. Il mourut, tué par l'épée. Il allait çà et là vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénué de tout, persécuté, maltraité. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'ils qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent afin qu'ils ne parviennent pas sans nous, oui, à la perfection. Nous à la perfection. Le verset, amen. Voilà, amen. Le verset 35 dit que des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc, d'après ce qu'il dit ici, on parle des héros de la foi, des gens qui ont souffert au courant des siècles. Et on explique ici que Dieu avait en vue la perfection. Et vous voyez effectivement que la perfection est venue par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour ça qu'il a gardé temporairement afin que nous tous, nous arrivions au même moment dans ce lieu-là. D'accord, mon cher frère? Le Seigneur assure où tu as la parole. Alors, en résumé, il y avait deux lieux dans le séjour de mort. Le lieu où les gens qui pratiquaient la justice allaient. Parce que Job descendait, comme vous voyez, les témoins de Job va parler, il dit que non, si le lieu du séjour de mort c'était un lieu qu'on souffre, c'est que Job ne pouvait pas désirer y aller. C'est qu'il aurait mieux supporté la souffrance qui était sur la terre. Ils n'ont jamais compris que dans la Bible, le séjour de mort est exactement comme... dans la prison, vous voyez qu'il y a la prison, il y a la prison des mineurs, il y a la prison des majeurs. Même, il y a des compartiments dans la prison. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Amen. Comment, mon frère? Il y a le VIP. Oui. Il y a le VIP. Il y a même le VIP ici au Cameroun. Lorsque vous voyez les ministres, en prison, ils sont en veste avec les verres. Avec les lunettes, les gars ne souffrent pas. Ils ont mis la télévision là-bas, ils voient tout ce qui se passe dehors. Ils écrivent même dans la presse. On voit les écrits dans la presse chaque jour. Ouais, la seule chose qu'il a fait, c'est la restriction de la liberté. Ils sont là-bas comme pas, sont pas en prison. Alors que vous voyez d'autres prisons, vous voyez les gens qui ont la gale, tellement sont malades, sont chétifs. Alors que ceux-ci ne souffrent pas. Ils ont même les numéros de téléphone, ils communiquent dehors. Leur femme même vient les voir dans leur prison. Vous voyez effectivement qu'il y a prison et prison. Donc, de l'autre côté, on va voir que ceux-là souffrent de la tuberculose, de l'autre côté de la prison, même prison, alors que l'autre s'en est déjoué. Ils ont même, ces prisons VIP, ils ont même les climatisations pour que ça ne gâte pas leur peau. C'est quand même terrible. Vous voyez, donc c'est comme ça dont le séjour de mort était, quoi. Alors, des questions? Amen, frère. Ça a un sens, oui, ça se comprend maintenant clairement. Mais, juste encore, mais à quoi servait donc alors le sein d'Abraham? C'est le point que je viens d'expliquer maintenant. Il était question que le péché soit supprimé, parce que pour entrer au paradis, il faut que le péché soit supprimé. Jésus, notre Seigneur, avait dit, enfin, dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 21, vous remarquez très bien, on dit, maintenant l'homme est devenu comme nous pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant de faire quoi? De tendre la main et de manger de l'arbre de vivre éternellement. On dit donc, il fut expulsé du jardin, on a mis dans des chérubins qui agitent des plaies flamboyants. Donc, tant que le problème du péché n'est pas réglé totalement, il ne peut pas revenir vers l'arbre de vie, vers le lieu de repos. D'accord, mon cher? Voilà, maintenant, comme le sacrifice était là, donc ça dit qu'en réalité, c'est un peu comme un centre d'accueil où on a construit, on attend que ces pensionnaires arrivent. Mais le centre est là, personne n'y entre tant que quelque chose n'est pas réglé. C'est tant que le statut de ces centres-là n'a pas encore été régularisé. Quand le statut de ces centres-là est régularisé, maintenant on les fait entrer. D'accord, mon cher? Il fallait que c'est le sang de Jésus qui devait purifier tout afin que les gens entrent là-bas pour ne plus sortir pour aller au jugement. Voilà. Parce que c'est le nom d'Abraham qui cause le problème. Non. Le sein d'Abraham, depuis que Dieu a créé, c'est quand il a appelé Abraham. Quand Dieu appelle Abraham sur le plan physique. Mais avant qu'Abraham fût, Jésus qui était là. Or, Abraham, c'est le nom qu'il a pris sur la terre. Dieu le connaissait avant. D'accord, mon frère? Le frère Melchi Tiba, bonjour et bienvenue. Shalom, bonjour à tous. Que la grâce, la Shalom. Paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient multipliés. Sois béni, frère. Ça fait seulement 2 minutes qu'on a commencé. Tu n'es même pas en retard du tout. Merci. Très content, vraiment très content. Bienvenue. Alors, la scène, avez-vous encore des questions? Le frère Nassuro, c'est clair, n'est-ce pas? Non, mais c'est trop clair. Amen. Amen. Alors, je vous attends. S'il n'y a pas de questions, on fonce dans la Bible. J'ai encore une question, le frère Junior. Vas-y, pose la question. Oh, Junior, j'ai une petite question. Si c'est petit, on donne une petite réponse tout juste, d'accord? Oui, frère. En fait, c'est par rapport à... J'ai changé de ville, dans ma nouvelle ville, là, j'ai trouvé d'autres frères ici et on a un peu quelques discordes. Je voulais juste savoir, en fait, moi, je sais déjà que concernant la parabole de l'ivraie et le blé. Donc, eux, ils disent que au départ, on était d'abord l'ivraie et puis on est devenu le blé. Mais moi, bien sûr, j'ai essayé de leur expliquer, mais ça, on n'arrivait pas à se comprendre. Ils m'ont pris des passages là dans les livres des Ephésiens en disant qu'au départ, nous étions tous les fils du diable. Je pense dans le chapitre d'Ephésiens 2. Oui, oui, doucement, la sœur, je dis, c'est une très bonne explication. Tu vois effectivement que tu en as posé un très grand problème au milieu chrétien, mais tu as appelé ça tout seul, c'est une petite question. Ce n'est pas léger ce que tu veux dire là maintenant. D'accord? Parce que vous voyez effectivement que beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ne prennent pas le temps pour lire ce qui est écrit, mais prennent des suppositions. Maintenant, lorsqu'on va aller dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, on va lire cela. On va aller par la suite aussi dans le livre des Colossiens, où nous allons voir effectivement que ce n'est pas ce que l'apôtre Paul nous dit. Alors maintenant, sur le plan physique, le Seigneur Jésus-Christ, enfin, le Seigneur, lorsqu'il a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, il a dit que chaque plante devait produire selon son espèce, n'est-ce pas? Quand le Seigneur Jésus parle de la parabole de l'ivraie, de l'ivraie des champs, quand il parle de blé et l'ivraie, est-ce que sur le plan physique, sur le plan physiologique, est-ce que le blé un jour a été d'abord ivraie avant de devenir comme ça? Non, frère, non. Est-ce que le blé peut devenir un jour l'ivraie? Non. Est-ce que l'ivraie peut devenir un jour le blé? Non, il faut dire à ces gens-là qu'ils ont besoin de délivrance, d'accord? Ils ont vraiment besoin de délivrance. Même en réfléchissant déjà sur les deux natures, ils ont besoin de délivrance. Maintenant, allons donc lire ce livre d'Éphésiens chapitre 2. Vous allez voir effectivement ce que l'apôtre Paul nous dit. Pendant que vous ouvrez c'est Éphésiens chapitre 2, préparez aussi le livre des psaumes 78, parce que quelque chose s'y trouve là-bas comme ça. Éphésiens chapitre 2. Le chapitre 2. Oui, on y va, ma soeur. Maintenant, nous allons lire du verset 1 au verset, au verset 5. Okay. Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez la façon. Attends, ma soeur. Vous voyez la façon que l'apôtre Paul a dit cela, n'est-ce pas? Yeah. Voilà. Il dit. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de. Dans les fils de la rébellion. Oui, continue. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Oui. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Oui. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Oui. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Donc, vous voyez effectivement que là, on en a parlé de la nature pécheresse qui était dans le corps. La nature pécheresse qui était dans, parce que la Bible déclare que nous tous, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature. Vous voyez cela? Par nature des enfants de colère comme les autres. Lorsqu'il y a l'absence de la nature de Christ en nous, c'est naturel que nous allons accomplir la nature de notre corps naturel. Dans le livre de 2 Pierre, la Bible dit que comme sa divine puissance nous a déjà tout donné à ce qui contribue à la piété, ainsi de suite. Vous voyez là, n'est-ce pas? La nature divine qui est en nous nous permet de vivre la vie divine. En absence de la vie divine, vous allez vivre la volonté. C'est à cause de ces choses-là que la rébellion. Vous voyez, ils ont un comportement. Et Je ne sais pas si vous comprenez. Pas qu'ils sont de la même nature, de la même façon. Prenez, notez le livre d'Hébreux, demandez de noter. Allons dans Colossiens 5 à 8. C'est 5 à 8. Donc, il n'est pas les enfants des fils de la rébellion. Que non. Parce que nous, vous avions aussi le même comportement au point où on pouvait nous conformer. C'est exactement les livrets. Lorsqu'ils sont semés, l'intérieur du blé se trouve. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui a dit quelque chose avant qu'on le lise là, quelqu'un qui fréquente, il dit souvent, c'est mari dans la pauvreté. Il est calme. Ils sont calmes. Parce que, et qu'un de ces jours, peut-être pas, devient riche et commence à mettre au point où il commence à sortir, à aller par là-bas et mépriser l'autre. C'est où on voit toutes ces histoires chaque jour, les scènes de jalousie. On dit que non, même sa jeunesse avec qui il avait fait l'alliance, maintenant il est sorti avec les femmes d'autrui dehors parce qu'il a de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui l'a rendu comme ça. Parce que l'argent, c'est un objet. Je veux que vous saisissiez bien ceci. Je suis en train de vous parler de cette histoire de sémence. C'est qu'en réalité, cette nature-là se trouvait en lui, mais ça a seulement trouvé maintenant le terrain fertile pour pouvoir se manifester. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un est hautain parce qu'il est riche, ce n'est pas la richesse qui le fait comme ça. Là. Cette chose-là, cette gangrène de la hautain, cette nature hautaine-là se trouvait en lui. L'argent est seulement venu pour faire amplifier, pour qu'on voit cette nature-là en lui. C'est un peu comme quand quelqu'un, vous voyez dans le monde, quand les gens se fâchent, vous voyez quelqu'un va boire de l'alcool pour venir dire quelque chose, vous dire, il te dit des grossièretés qu'il ne pouvait pas dire lorsqu'il était calme. En réalité, ça veut dire que cette personne a cette chose-là dans son cœur, il ne veut pas parler. Mais il cherche dans les échappatoires pour pouvoir s'envelopper de l'ivresse pour dire ça quand il est dans l'état de l'ivresse. Cette nature se trouve en lui. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Voilà. Donc, de la même façon, le blé ne grandit pas et a en lui une autre propriété autre que le blé. C'est lorsque la manifestation, lors de la manifestation de juste période de fruits, que le fruit sort pour qu'on puisse regarder quel est l'herbe. Parce que quand vous regardez le blé, lorsqu'ils sont jeunes, vous ne pouvez pas dire quel est le blé, quel est l'ivresse. C'est lorsque ça atteint la maturité qu'on parvient à distinguer clairement ce qu'il en est par rapport à l'autre. Pour ceux qui connaissent les papayes, vous reconnaissez qu'il y a les papayes mâles et femelles. On appelle mâles et femelles. D'autres, le style papayes mâle produit des fleurs, mais ça ne produit pas des papayes. Yeah. Or, lorsqu'ils sont jeunes, vous ne pouvez pas dire d'emblée que celui-ci ce sera un papayes bien ou pas. Mais c'est à la maturité qu'on commence à voir clairement qu'il en est pas ainsi. Alors, s'ils sont jeunes, vous dites que non, ça c'est le papayé, ça c'est le papayé, celui-ci c'est le papayé. Et qu'en réalité, ce n'est pas le papayé, quand ils vont grandir, on va voir qu'en réalité, celui-ci ne produit pas le papayé. Voici ce qui produit le papayé. Mais maintenant, ce n'est pas à la maturité qu'ils sont devenus le faux. Voilà le vrai problème. Ce n'est pas à la maturité que celui-ci est un faux papayé et celui-ci est un vrai papayé. C'est que sur le moment de manifestation des fruits, on voit tout simplement son fruit. Or, ce fruit qu'on voit est contenu en lui depuis. Il grandit seulement avec jusqu'au moment de sa manifestation. Voilà, je crois que vous avez bien compris là maintenant. Colossiens dans chapitre 3, les versets 5 à 8, à 7 même. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ce péché. Amen. Amen. Amen. Donc on voit effectivement que les gens marchaient dans cette édition, n'est-ce pas? Dans ce péché. Oui. Alors, on prend une ponctuation musicale. Le temps que vous ouvrez le livre des psaumes, là, on y revient, d'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. Słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze chy i w pohańbieniu przy wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Maroc dans la sainteté, rebonjour. Bonjour. Voilà, après cette pause musicale, maintenant, voilà, bonjour la sœur Gigi. Après cette respiration musicale, on peut maintenant travailler encore, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc nous avons vu, avant d'aller à la pause, donc le vrai et le blé ne se transforment pas à un moment donné. Un chat avec une chatte vont toujours donner un chaton. Il n'y aura pas de jour où les chats vont s'accoupler et donner une souris. La souris vont toujours, quand dans leur leur accouplement, vont toujours donner les natures telles que le Seigneur a dit dans le livre des Genèse, chapitre 1, le verset 11. Alors, il faut qu'on fasse attention à la façon dont on perçoit ces choses-là. Dans ces Colossiens chapitre 2 que nous avons lu, Colossiens chapitre 1, enfin, chapitre 3, verset 5 à 8, et puis le chapitre 2 d'Éphésiens, nous voyons effectivement que l'apôtre Paul est en train de parler des limitations du style de ces personnes-là, parce que nous vivions également dans ce péché. Maintenant, je vous ai donné le livre d'Hébreux chapitre 12. Si vous regardez le livre d'Hébreux chapitre 12, Dieu parle de la recherche de la sanctification de ses enfants, parce que lui, il est saint. Et il dit dans ce livre-là que c'est comme des fils que Dieu nous châtie. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le Seigneur nous punit de nos iniquités afin que nous ne soyons pas châtiés avec le monde, que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce qu'en réalité, si vous vivez dans la fornication et que le monde vit dans la fornication, Dieu étant juste, s'il frappe un fornicateur à cause par une sanction et que tu vis dans la même chose, il va te frapper de la même façon parce que c'est la même peine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu te corrige jusqu'à ce que les gens, ceux qui lui appartiennent, viennent à la sainteté. C'est pour cela que les fils de Dieu qui vivent dans le péché, Dieu fait tout et tout pour les corriger jusqu'à ce qu'ils reviennent à la maison comme il les attend. Alors, dans le livre des psaumes maintenant, chapitre 78, allons dans le livre psaume 78. Vous allez voir de quoi il est question. Psaume 78. Vous y êtes? Verset 1 et suivant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Psaume 118, verset 1. Oui. Cantique d'Azap. Mon peuple, écoutez mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Oui. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Oui. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, oui. Ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Oui. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi. Vous êtes dans quel psaume là, ma soeur? 118. Non, non. Ah, voilà, 73. Allons-y dans le 73. Ce n'est pas ce psaume là, là-bas. 73, le psaume d'Asaph. Le psaume 73. Psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, oui. En voyant le bonheur des méchants. Mm. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et le corps est changé. Est chargé d'un bon point. Oui, courage ma soeur. En tout cas, c'est pas notre langue à nous. Donc, lis. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Mm. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Oui. Aussi, l'orgueil de est le vêtement qui les enveloppe. Mm-hmm. L'iniquité de leurs entrailles, la pensée de leur cœur se font jour. Ils règnent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils s'élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue au même sur la terre. Mm. Voilà pourquoi c'est une leur bouche. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, tous jugeux, ils accroissent leur richesse. Et donc, ils ont jeté le tout. La sœur Isène, ferme ton micro, il y a du vent chez toi et ça n'est créé l'interférence. Et que j'ai lavé mon lit, chaque jour je suis frappé, châtiment, si je disais, je veux parler comme eux. Voilà, je trahirai la race de tes enfants. Je réfléchis là-dedans pour m'éclairer. La difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Lui, tu es lassé. Sur les voies glissantes, il les fait tomber et les met en ruine. Oui. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs mailles. Lorsque mon cœur c'est grissé, et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. C'est bon, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Donc, d'après ce psaume 73, on voit quelqu'un qui a l'âme angoissée parce qu'il vit la vie de Dieu. Il vit ce que Dieu dit. Et curieusement, sa vie ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner sur le plan standard humain. Il voit qu'il ne réussit pas. Alors que quelqu'un qui ne sert pas Dieu est là, il est méchant, il parle méchamment, il ouvre la bouche, il parle contre le ciel, il parle comme il veut, mais sa voix réussit. Et donc, le verset 12 donc dit, ainsi sont les méchants toujours heureux, et ils accroissent leur richesse. On dit, les méchants accroissent leur richesse. Puis, il s'étonne maintenant, il dit, mais c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il dit, mais voilà le méchant, lui, il fait la méchanceté, sa richesse s'accroisse. Moi, je vis dans la sainteté, je vis dans ce qui est juste, et puis, rien ne marche pour moi. Puis, il dit, verset 14, il dit, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. C'est quelqu'un qui sait Dieu ici et qui vit dans la pureté du cœur. Maintenant, il dit, si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Vous voyez? Dans la race des enfants du Seigneur ont un style de comportement. L'autre race a un autre style de comportement. Et il dit maintenant, ok, si vous me comportez comme le méchant, ça sera faire exactement ce que les races ne doivent pas faire. Alors, le psaume d'Asaph également met au clair ces choses-là. Le frère Meshi, tu es fatigué, pourquoi tu as les yeux fermés et les sommets te dérangent, frère Meshi? Frère Meshi, c'est quoi? Non, je n'ai pas les yeux fermés. Ok. Juste, je viens de me réveiller aussitôt, je me suis connecté. Ok. Quoi, je suis allongé comme ça. Courage, d'accord, frère. D'accord, frère. Alors, la sœur Gigi, avant de parler à la sœur Gigi, disons bonjour et bienvenue à la sœur Nafissa. Nafissa, bonjour et bienvenue. Elle nous écoute. Nafissa, la lionne. Bonjour, bonjour, shalom, shalom à tous. Shalom, là, c'est pas. Shalom, shalom. Voilà. Alors, la sœur Gigi, tu vois effectivement que on ne devient pas. Un homme ne deviendra jamais un style de bipède comme la poule. Ce n'est pas la poule de Socrate et de Platon. Donc, nous sommes les hommes et nous serons les hommes. Et parmi les hommes, donc, il y a deux lignées, telles que les saints de l'Écriture le disent. Une des lignées n'ira pas dans l'autre côté et l'autre lignée ne reviendra pas dans l'autre côté. C'est exactement comme tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de Luc au chapitre 16. Qu'il y a deux endroits de destination. Et Abraham a signifié que, même si nos amis des catholiques là qui disent qu'il y a un troisième endroit appelé le purgatoire, on va prier que les gens sortent là-bas, ce sont des menteurs, n'est-ce pas? Il y a deux lieux. Et on a dit que c'est un grand abîme qui sépare le sein d'Abraham du séjour des morts. Si quelqu'un est dans le séjour des morts, même s'il souhaiterait quitter pour aller là-bas, il va monter en haut, il ne pourra pas. Si quelqu'un en haut souhaiterait aller délivrer quelqu'un au séjour des morts, il ne pourra pas non plus. Donc il n'y a que deux lieux, il n'y a pas un troisième, un intermédiaire, un endroit de trait d'union entre le séjour des morts et le ciel. De la même façon, il n'y a pas un intermédiaire entre les deux races. C'est deux semences qui se trouvent sur la terre. Fin des citations. Des questions? Oui. Le frère Nassir, pourquoi tu ris comme ça? Amen. Parce que c'est stupide de penser que on devient bon, que les deux semences sont viennent du même endroit. Non, on ne peut pas être en même temps bon. On ne peut pas être un enfant du bon et puis on devient mauvais. C'est juste un comportement. Sinon, ce n'est pas les mêmes personnes. On voit effectivement même la simple logique. Même la simple logique devrait pousser cette personne à réfléchir. Par exemple, la sœur Gigi, quand vous causez avec cette personne-là, il faut poser la question, est-ce que lui, il a un père? S'il dit oui, il a un père, vous lui dites, est-ce que elle, toi, qui est sœur Gigi, est-ce que tu peux devenir l'enfant de son père? Est-ce qu'il y a la possibilité que tu deviennes? Exactement, frère. Exactement. Je ne sais pas, mais Dieu m'avait conduit aussi de la même manière que ce que tu viens de dire. Je lui ai pris cet exemple-là parce que je parlais avec des frères. Et puis, vu qu'on ne s'entendait pas, ils ont un responsable qui s'occupe d'eux ici. Je pense que c'est un pasteur. Et j'ai eu à discuter avec le pasteur là. Et c'était vraiment, vraiment très chaud. Et il m'a dit, toi, qui t'enseignes comme ça? J'ai rigolé seulement. J'ai dit, non, c'est pas question de qui m'a enseigné. Non, il fallait dire que tu es fille de la parole. Tu as été engendrée de la parole. D'accord? Oui. En fait, Et maintenant, donc, je dis que... oui. Non, non, non, c'est tout. Ok. En tout cas, je voudrais que vous compreniez le pourquoi ces personnes le disent. Il faut que vous compreniez maintenant. Je vais vous le dire pourquoi. En réalité, regardez très attentivement. Je vais vous dire quelque chose. Ça risque de choquer, mais c'est la vérité. C'est la triste vérité, mais ça va faire mal, mais c'est la vérité. Vous savez, lorsqu'on n'a pas compris le langage de Dieu, ni compris la Bible comme le Seigneur veut qu'on enseigne, on va toujours aller dans la dérive. Lorsque vous lisez le livre de Jean au chapitre 1, si vous lisez les versets 11 à verset 14, la Bible déclare qu'elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? Lesquels sont nés non du sang, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, écoutez très attentivement. Lorsqu'ils lisent dans la Bible, elle est venue chez les siens, les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand ils entendent cette expression-ci, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ils se posent tout naturellement la question en disant que, avant de devenir enfants de Dieu, vous étiez enfants de qui? Naturellement, on s'attendrait à ce que la réponse veuille dire enfants du diable. Or, si tu es enfant du diable, tu ne pourras plus jamais être enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils n'y comprennent pas tout simplement parce qu'en réalité, ceux à qui le Seigneur a dit de s'adresser de façon claire dans le livre des gens là, ce sont les païens à qui la grâce a été donnée. Il dit de façon primordiale parce qu'il en a parlé des Juifs, c'est vrai qu'il est venu et les gens ont rejeté. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils ont rejeté la grâce et il s'est tourné vers les gentils pour pouvoir faire sortir son peuple de là-bas. Or, avant que les gens ne viennent, avant que les Juifs ne désobéissent, pourquoi on a comme ça? On était dans les ténèbres, contrôlés par le diable. On était gouverné par le diable dans la tradition, dans les pensées et toutes les autres choses, mais sans être son enfant. C'est un peu comme par exemple, vous aurez un enfant à la maison, que l'enfant est désobéissant, mais quand l'enfant travaille, dit que c'est un digne fils de son père ici. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Que non, ça, là maintenant, tu es vraiment seul, mon fils là. Or, quand tu dis à l'enfant que là maintenant, tu es mon fils là, ce n'est pas cet instant-là qu'il est ton fils. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose, comme par exemple, vous savez, les couples dérangent. Quand l'enfant travaille bien à l'école, le papa se vante que c'est son fils. Le jour qu'il échoue, il dit que non, c'est chez les parents de la fille où ça se trouve. Que non, non, non, ça c'est ce que tu ressens même à qui comme ça. Oh, c'est son enfant. Donc, vous voyez que c'est quelque chose sur cet enfant qu'il a donné comme aspect pour montrer que ça ne lui appartient pas. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Donc, il faut comprendre que ces personnes-là qui disent que non, nous étions d'abord enfants du diable, maintenant nous sommes enfants de Dieu, il faut comprendre. C'est ce verset qui les fait comprendre comme ça. Oh, ils ont comme impression que, en réalité, comme tu deviens enfant de Dieu, ça suppose que initialement tu étais. C'est que tu es revenu maintenant dans la nature de son père. Oh, avant, on fonctionnait comme dans la nature du monde, comme tout le monde. Comme l'apôtre Paul a dit qu'on était dans le même train, on était éloigné par la colère, on était les fils de la colère, on était animés tous de la même façon. Mais dedans, son amour nous a fait grâce pour qu'on nous quittions de là-bas. Ça veut dire que ce sont des enfants, un peu comme vous avez votre enfant qui travaille bien à l'école, qu'à la maison, il est bien, il se comporte bien, mais avec le temps à l'école, il commence à fréquenter des milieux qui vont corrompre sa morale, corrompre sa façon de vivre, ou pour qu'il commence à vivre comme cela. Vous allez voir votre enfant commence à baisser les culottes comme les autres, il fume la cigarette aussi, pour ceux qui fument, il commence à faire comme le yo, et subitement, vous voyez que cet enfant-ci ne se comporte pas comme votre enfant, comme l'éducation qu'on lui avait donnée. Et puis, souvent, on chasse cet enfant-là de la maison, que non, tu n'es plus mon enfant. Mais il n'en demeure pas même que c'est son enfant là-bas. Mais c'est le comportement, la nature, les choses que la personne fait qu'il ne pratique pas. Or, si cet enfant se réveille en lui-même, il dit comme dans le livre des Jean, Luc chapitre 15, de cet enfant, le fils prodigue. Vous voyez? Le cas du fils prodigue est un cas typique de ces choses-là. Quand le fils prodigue dit à son papa que donne-moi bien, il prend le bien, il passe livré à la boue, avec la prostituée. Quand il vit dans la prostituée, son père de l'autre côté, son cœur lui est peiné. Il a des peines sur le cœur par rapport à son fils, mais c'est son fils. Vous voyez? Maintenant, quand le fils du lieu, du sein des ténèbres où il se trouve, il se comporte comme les gens du monde. Parce que son fils, le fils de cet homme-ci, n'est pas censé se comporter ainsi. Mais lorsqu'il se comporte comme ça, quand vous le voyez en boîte de nuit, cet homme de Luc chapitre 15, il danse comme toutes les autres personnes, comme tous les autres mondains. Il a un père riche, un père qu'il aime, un père qui lui a donné une bonne éducation, une bonne formation, mais là, il a de se comporter comme un vulgaire, comme un pervers. Or, lorsqu'il revient à lui-même, il sait même dans la truie, dans le poulailler, et ainsi de suite. Et puis il dit que mais j'ai quand même la maison de mon père. Je vais aller lui dire, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Maintenant, quand il revient vers son père, il dit cela, son père lui donne un vêtement nouveau. Vous voyez cela? Il dit, ton fils que voici était mon fils que voici était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Or, c'est son fils. Même s'il a fauté n'importe comment, c'est son fils. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas qu'à cet instant-là, il est devenu son fils. Il veut maintenant dire qu'il s'est retrouvé. Mon fils s'est retrouvé. C'est en somme tout cela. Donc, Quand le livre des Jean dit au verset 1, verset 11 là, du chapitre 1, dit qu'elle est venue chez les saints de son nom pour le soumettre à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'avant que ces gens ne deviennent enfant de Dieu, ils étaient enfants du diable. C'est ce qu'il voulait dire en clair. Donc c'est cette compréhension qui fait que les gens croient, en réalité, on était d'abord de la mauvaise sémence, on est venu de la bonne sémence. Non, c'est la bonne sémence qui était étouffée par les ténèbres. Disons ça tout simplement comme ça. Amen. Des questions? Si c'est si, je crois que dans ce sens-là, on peut examiner un sujet ce matin si vous n'avez pas de questions. Le frère Nassouri, tu avais encore une autre question, oui. J'ai une question. En fait, j'ai une question concernant les mages qui avaient vu l'étoile du Seigneur Jésus. Oui. Oui, mais je veux savoir, est-ce que de manière biblique, tout homme a une étoile? Est-ce que c'est prouvé de manière biblique que tout homme a une étoile? Genèse chapitre 15. Allons-y. Genèse le chapitre 15. Il faut que ça, une question biblique soit répondue par la Bible. Nous allons lire seulement là-bas. D'accord, frère. C'est toi qui vas lire à partir du verset 1 du chapitre 15. D'accord. Si tout le monde dit, je vais le tuer. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Mmh. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6 enfin. Ah, oui. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Qui lui imputa à justice, n'est-ce pas? Alors la question c'est, qu'est-ce que Dieu a montré à Abraham dehors? Les étoiles. Il a dit que ce que tu vois là, c'est quoi? Ça sera ta descendance. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. C'est quoi, frère Nassim? On y va. Daniel chapitre 12, à partir du verset 1, jusqu'à ce qu'il dise stop. D'accord. Daniel chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit, en cet temps-là, tu le verras, Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, elle qui n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Oui. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Oui. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, dans la terre, se réveilleront. Dans la poussière de la terre. La poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Pardon? Et ceux qui auront. Je reprends le verset 3. Oui. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Tu as entendu? Amen. Lisons enfin 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 à 41. contient combien? Chapitre 15. Oui. J'y suis. Allons-y. Verset 1 de 1 Corinthiens, chapitre 15. Verset 40 à 41. Verset 40 à 41. Un verset 40. Merci. Il est écrit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre c'est l'éclat du soleil, autre l'éclat du lune. Voilà. Et autre l'éclat des étoiles. Ah. Amen. Même étoile en la d'une autre étoile. Ici particulièrement, qu'est-ce qu'il a de parler? De quoi est-ce qu'il a de parler? De la résurrection. De la résurrection. Il y a la résurrection. Et les étoiles et tous les autres éclats. Il veut parler de quoi? C'est-à-dire de l'aspect que chacun de nous pourrait avoir lors de la résurrection. C'est-à-dire qu'on n'aura pas peut-être les mêmes le même éclat par rapport au nouveau corps que nous aurions. Voilà. Alors, de la même façon comme les êtres spirituels, appelés les anges, sont des étoiles, de la même façon les hommes sont aussi symbolisés dans les étoiles. D'accord, mon cher frère? Et les choses sont écrites là-dessus. D'accord, mon frère? Tous les hommes de la terre. C'est tous les hommes, sans exception, comme le Messie l'a été. Mais le problème, c'est que tel est l'éclat. Quand on voit qu'avec l'éclat, c'est pour ça que vous voyez effectivement que les satanistes travaillent avec ces éclats-là. Lorsque, voilà, maintenant, pendant qu'on y est, vous m'entendez? Mmh. Voilà. 100%. Vous avez entendu parler de signes astrologiques? Oui. Absolument. Vous avez entendu parler des horoscopes? Mmh. Voilà. C'est une étude des astres basée sur la configuration de votre étoile par rapport à votre date de naissance. Mmh. Vous avez, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bien sûr. Vous avez lu dans la Bible où on parle des signes du zodiaque? Oui, dans Job également, on en parle. Voilà. Alors, c'est pour cela que ces gens-là scrutent le ciel. Donc, avis aux gens qui s'inscrivent sur Facebook en mettant leur acte de naissance, leur niveau de naissance, n'importe où, avec leur nom. Avec votre acte de naissance, votre date exacte de naissance, les satanistes peuvent vous attendre n'importe où vous vous trouvez. N'importe où. Ça veut dire que quand vous écrivez sur Facebook, vous mettez votre date de naissance et dans ces réseaux sociaux-là, souvenez-vous que c'est entre les mains des satanistes. Avec votre âge, votre date de naissance exacte, n'importe où sur la terre, vous pouvez vous trouver. Si vous n'êtes pas couvert par le Seigneur Jésus-Christ et que le Dieu vous protège. Oui. Oui. En fait, c'est juste un petit témoignage de 2 minutes par rapport à ce que tu dis, c'est exactement vrai. Mmh. Parce que j'avais un ami que je connaissais au pays, un ami que je connaissais au pays, et il est passé député quand il avait 25 ans. Et je l'ai connu quand j'étais au lycée comme ça, jusqu'à ce que je suis venue poursuivre mes études universitaires. Ici au Maroc. Oui. Donc ça faisait un moment que je ne l'avais plus jamais vu. Mais une fois, je pense que j'avais déjà parlé de ça avec les frères. Donc il m'a juste envoyé l'invitation sur Facebook. Et quand j'ai reçu son invitation, j'ai accepté sa demande d'invitation à 18h. Et la nuit, il est venu me visiter. Et Dieu m'a fait grâce. Je l'ai vu comme ça dans ma chambre, accompagné d'un autre monsieur, et il faisait des incantations dans ma chambre. L'Esprit du Seigneur m'a réveillé. Je ne pouvais pas bouger, j'étais immobile, mais je voyais la situation, mais je ne pouvais pas parler avec ma bouche. Et tout, j'ai commencé à... j'entendais toujours la même voix qui me disait « prie, prie, prie », parce qu'il sont en train de faire les incantations. Oui. Et je les entendais vraiment faire les incantations dans ma chambre. Oui. Donc, la seule ouverture que j'ai eue avec ce garçon, c'était juste Facebook. C'est pour ça que je dis que c'est vrai ce que tu dis. Voilà. Or, l'information que tu nous donnes, ça lui permet de te repérer n'importe comment, n'importe où. Imagine par exemple que tu n'étais pas en crise. Voilà comment les gens se font avoir. Il y a des gens qui sur Internet peuvent te collaborer. Quand vous êtes sur Facebook, comme les jeunes garçons aiment les filles nues là, les démons, les démoniaques, les satanistes vont prendre des photos des gens, des stars, avec les seins, avec les fesses bombées, avec les strings. Ils vous mettent ça comme ça, ils commencent à attirer les gens. Quand les gens ils viennent là-bas, donne ton acte de naissance, donne ton nom de naissance, et puis les gens donnent le nom. Ça, ils ne savent pas. À partir de là, ils sont possédés. Et voilà comment ils partent. Comment est-ce que je sens de vouloir partir, il parlait de cette histoire de l'étoile-ci. C'est à cause de la configuration de votre travail. C'est pour ça que si vous fuyez la sorcellerie dans votre famille, vous allez aux États-Unis, on peut toujours vous atteindre parce que dans le monde spirituel, c'est petit. Lorsqu'on a repéré votre étoile, c'est terminé. Vous voyez cela? Dans le livre de Job, dans le chapitre 38, verset 32, la Bible déclare, fais-tu apparaître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu à la grande hausse avec ses petits? Les signes du zodiaque, justement, c'est les quatre configurations des 12 grandes luminaires qui scènent et tournent autour de la planète dans la configuration. À partir de là, on peut repérer n'importe quoi que vous avez. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il faut faire attention comment vous dispatchez votre chose. Remarquez très attentivement quand vous parlez, quand vous vous inscrivez quelque part, on dit mettez votre pseudo. Dites-moi, qu'est-ce qu'on appelle pseudo? Pseudo, ça veut dire quoi? Le pseudo. Pseudo, c'est le pseudo. Attendez, pseudo, c'est le diminutif des pseudonymes, non? Oui. Vous voulez amuser, n'est-ce pas? Pendant qu'on est en train de travailler, quelqu'un fait de la recherche, là, vous devenez la définition des pseudonymes, vous allez voir ce qu'il en est, et puis vous revenez, pour que tout le monde en sache. Ça, c'est un. Deuxième chose, regardez, quand vous ouvrez un compte, on vous demande de mettre votre photo, votre avatar, ils appellent avatar. C'est quoi un avatar? Si vous ne connaissez pas, pendant qu'on est de travailler, faites les recherches sur ces deux mots-là. Vous allez voir quelque chose de terrible avec tout ce qu'on fait sur Internet chaque fois. Alors, lorsque... Comment? Oui? Je crois qu'avatar, ce sont les extraterrestres. Les monstres, quoi. C'est comme une transformation. Non, n'essayez pas de voir. C'est comme... Il y a la définition. Essayez. C'est qu'en réalité, les gens ne prêtent pas attention avec ces choses-là. Quand vous allez voir ce que ça veut dire avatar, vous allez comprendre que vraiment on est mal barré, que Satan a foutu la merde partout. Quand vous allez voir. Avatar, c'est... Mm-hmm. Comme... Voilà. Maintenant, la sœur Gigi, lisez ce que la sœur Gigi vient de trouver maintenant. La sœur Gigi vient de trouver, qu'est-ce que ça veut dire? Lisez ce que tu as trouvé comme pseudonyme. Vous allez voir ce que ça veut dire. C'est terrible. Pseudonyme, ça veut dire quoi? Pseudonyme. Ça veut dire quoi, la CJ? La CJ, c'est la chaîne qui a le sens de faux. Allons-y encore, frère Meshi, ça veut dire? Un préfixe de la chaîne grecque qui a le sens de faux. Le sens de faux. Alors, lorsque vous allez dans un Facebook pour vous inscrire, on vous dit mettez votre pseudonyme. Dans ce cas, le mot est composé maintenant de pseudo et de nym. Et nym veut dire nom. Pseudonym, ça veut dire que mettez votre faux nom. Donnez-vous un faux nom. Donc, vous voyez là où on se retrouve. Comment vous dire encore? Nous parlons de l'étoile. On va détruire tout ce que Satan a fait pour nous tisser là. On doit devoir détruire. Donc, vous allez quelque part, vous voulez mettre quelque chose, on dit que votre pseudonyme, c'est quoi? En réalité, on va vous poser la question que donne-nous un faux nom. Vous voyez là, on se retrouve. En fait, ces choses-là, vous les faites, vous ne les faites pas. Mais je reste tranquille. Le Saint-Esprit dit que travaille sur tel sujet. Observe telle chose. Je le fais seulement, il reste seulement tranquille. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Donc, ça veut dire que quand vous entrez sur Facebook en mettant votre pseudonyme et autres là-bas, vous faites. C'est l'association de fausseurs. Avatar trouve son origine en Inde du sanskrit. Lis-nous ce que tu as écrit, ma soeur. Comme son micro n'est pas bon, lisez ce que la soeur a trouvé. Que Dieu vous bénisse. C'est bien comme on est en live là maintenant. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. On est en plein en divinité étrangère là maintenant. Allons-y. Le frère Nassou ne parle pas maintenant. Hein. Si tu es un ancien de PlayStation. Hey, le frère Nassou. Avatar. Oui. trouve son origine en Inde. Oui, Oui. c'est ça. De son script. Oui, sanskrit, oui. Avatar, descente, avatar, je ne sais pas ce que c'est, descendre, et signifie descente, incarnation divine. Exactement. Bon, en clair, quand on dit mettez votre avatar, on vous dit de faire quoi? Que choisir un C'est avatar. comme. Donc choisis pour Oui. toi, en clair, choisis pour toi une divinité qui va te faire descendre de l'Inde, Oui, du monde oui. spirituel. Voilà. Hein? L'hindouiste. Wow. Or, vous voyez que toutes ces choses-là, on les dit en français. Et chacun utilise chaque fois que non, c'est un avatar. L'autre dit que mon pseudo, c'est Sissi. Et autre personne ne veut savoir ce que ça fait. Dans un enseignement, et plusieurs fois, j'ai posé la question. Je vous ai dit, les divinités, dans la Bible, on voit les divinités païennes. On voit les divinités païennes, on parle d'Apollon et autres. Posez-vous la question, où se trouvent ces divinités-là aujourd'hui? Ils se retrouvent en plein dans la politique, en plein dans la médecine, grave encore dans le football. Il dit bien, très grave encore dans le football. Ils se trouvent là-bas en plein. Vous voyez, effectivement, au moins, dans le temps de quoi, vous voyez, on parle des Jeux. Oh Seigneur, encore comment? On parle des Jeux Olympiques. Qui est Olympe? Vous avez fait la recherche? Faites la recherche. Nous sommes en direct là maintenant. Allons-y. Faites la recherche. Qui est Olympe? On va voir maintenant pour qui est-ce qu'on joue ces jeux-là. Et puis quelqu'un a dit qu'on prie pour que notre pays pas gagner les Jeux Olympiques. Cherchez. Allons-y. Vous voyez que la CG est spécialiste de recherche. Quoi qu'elle va travailler au bureau des archives. Au bureau des archives spirituelles. Vous avez Là, trouvé? je peux dire ça. Oui, lis ce que Mais tu as Olympe, trouvé. Allons-y. Oui, Olympe. c'est un endroit élevé et majestueux Oui. par allusion à Olympe, à l'Olympe, Oui. le séjour des dieux gréco-romains. Ah, Le séjour des dieux gréco-romains. gréco-romains. Donc, ça veut dire qu'on dit que les jeux olympiques, on a dit de parler de dieux de quelle divinité? Gréco-romains. Ok. Alors, je pose la question. Quand un chrétien s'engage dans ces dieux-là, il peut jouer dans la compétition organisée par qui, frère? Répondez-moi. Donc vous voyez effectivement que tout ce qu'on parlait dans la mythologie ou de là-bas, la Bible Oui. déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. D'accord? Les choses passent, on dit que telles choses passent, Dieu ramène les choses encore de nouveau. Alors lorsque cette divinité-là, Akhenaton et toutes les autres choses, la Thor et autres là-bas, tout Ra, toutes ces divinités que vous voyez vous les voyez aujourd'hui dans les Stargate, dans le film comme Stargate, ainsi de suite. Et les gens les glorifient. Vous me suivez? Oui, 5 sur 5. La sœur Amen, Claire, amen. oui. Donc désormais, aujourd'hui, vous savez ce que c'est que l'avatar, n'est-ce pas? Ne prononcez pas seulement les mots en français sans savoir de quoi il est question. Chaque fois, priez le Seigneur de vous donner d'être assidu. De telle façon que vous voulez utiliser n'importe quel mot, n'importe quelle chose vous concernant, vérifiez d'abord son sens et son origine, si ça n'a pas une connotation d'ordre spirituel. Faites cela. Il faut faire attention. Voilà donc les gens qui jouent maintenant dans les Jeux Olympiques. On dit que non, celui-ci est champion du monde de telle discipline dans les Jeux Olympiques. Tu n'as que porté le démon. La coupe qu'on te donne là, c'est que tu es consacré comme le champion du Dieu là. Donc on te donne une onction de cette divinité. Et ça entre dans la palmarès des êtres humains jusqu'à ce qu'ils disent, j'étais champion du monde. Oui. Donc, je crois que mon frère qui est ici, qui est en train de travailler avec moi, que Dieu le bénisse, je vais lire ici dans OC, je ne sais pas comment il a fait, dans www.cnrtl.fr. Donc, voilà le site sur lequel ça se trouve. Olympique, adjectif. Donc, c'est du W. www. Vous pouvez ouvrir la même page, www. CRTL.fr. Vous avez tapé CNR dans la lexique dans l'option lexicographie. Donc, vous tapez Olympe là-bas, Olympique là-bas. Alors, on dit c'est un adjectif dans l'Antiquité grecque relatif à Olympie. Un Jeux olympiques, Jeux célébrés près d'Olympie en l'honneur des Zeus tous les 4 ans à partir de 776 avant. Oh mon Dieu, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Non, aujourd'hui, le pasteur dit, non, il n'y a pas de problème. On va prier pour toi, l'onction du Saint-Esprit sera sur toi, tu vas aller gagner les Jeux Olympiques. Il nous faut la délivrance. Alors, ces jeux-ci, on dit, relatif à Olympie, Jeux Olympiques. Je ne sais même pas pourquoi on a dû travailler dans la Bible et puis ça nous grille vie dans cette direction-là. Jeux Olympiques, jeux célébrés près d'Olympie en l'honneur. Regardez bien en qui on célèbre. Donc ça veut dire chaque fois qu'on fait ces festivités-là, on a dû célébrer une divinité. Jeux célébrés près d'Olympie en l'honneur des Zeus. Tous les 4 ans, à partir de 776 avant Jésus-Christ, et qui comportait des cérémonies religieuses, des représentations théâtrales et des compétitions sportives. N'est-ce pas ce que nous faisons aujourd'hui, frère? De toute façon, que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Entendre. Alors, bah, il tente de parler de ce qui est écrit dans le livre de Josué, enfin, Job, chapitre 38, verset 36, parlant des signes des zodiaques dont l'apôtre, le prophète demandait, le Seigneur demandait à l'apôtre si c'est lui qui fait paraître les signes des zodiaques. Donc, or, cette configuration-là dans le ciel, ce n'est pas les satanistes qui l'ont mis, c'est Dieu qui les a mis. Or, c'est Abraham qui l'a appelé. Nous avons vu dans Genèse chapitre 15 comment il a appelé Abraham et lui demandait de regarder le ciel et observer les étoiles. Ce n'est pas seulement les étoiles que vous voyez quand vous restez sur la terre. C'est un prophète qu'on a de s'adresser. Souvenez-vous, c'est à un prophète qu'on a de s'adresser. Il va appeler Jérémie en disant, tourne-toi vers le septentrion et vois. Qu'est-ce que tu vois? Il dit que je vois un chaudier du côté du septentrion. Donc, il est en train de lui donner la vision. Or, ici, Abraham se tourne, il voit dans le ciel, il dit des étoiles. Il se promène dans le ciel. Comme le Seigneur a fait promener Abraham. Lorsqu'il a fait monter sur le mont de Pisgah, il a fait visiter toutes les frontières d'Israël en un instant. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout le monde est monté et regardait un peu les étoiles, que ce n'est pas clair où il y a les étoiles dans le ciel, que ce n'est pas ça dont il est question. Il lui a donné la vision pour lui montrer effectivement que cette étoile, c'est telle étoile, c'est ton fils, telle étoile, c'est ton fils, telle étoile, c'est ton fils. De façon céleste par le Seigneur. Et donc, toute figuration, c'est donc pour cela qu'il peut faire donc, les prévisions théologiques, les prévisions astrologiques, ainsi de suite dans les astres, en traçant la cartographie spirituelle de quelqu'un. Pour ceux qui ont fait dans l'horoscope, et pour ceux, s'il y a les gens qui ont fait dans l'horoscope et qui sont sortis de là, ils partent dans l'horoscope profond, ceux qui ont fait dans l'astrologie. Ils vont voir effectivement qu'il y a une carte qu'on trace, dans les configurations, la position des planètes. À partir de votre acte de naissance, de votre date de naissance, on trace la position de la planète pour voir sous quel signe vous êtes né. Parce qu'avec votre acte de naissance, avec votre date de naissance, on trace la configuration et on repère exactement le jour où vous êtes né, comment les planètes étaient configurées. À partir des planètes qui sont configurées, on peut savoir quelle est ta destinée. Savez-vous cela? Maraud dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Oui. Très fort. Oui, la sœur Abetine, Abetine a parlé et son micro est fermé. Oui, frère Nassour, parle-nous. Oui, comme nous sommes en train de parler des luminaires, là, oui. Je me pose la question de savoir, alors, les musulmans nous disent souvent qu'ils regardent le soleil pour commencer la ramadan, le ramadan qu'ils ont fini, pour un peu cette période de ramadan. Oui. Je veux savoir... Est-ce que le soleil, la lune qui regarde là, oui. Parce que je me demande, est-ce que réellement il regarde la lune? Oui. Bon, s'il regarde la lune a été créée par notre Père. Oui. Ça veut dire que notre Père, alors, voit la lune pour alors rompre les jeûnes. Oui. Je me pose la question. À moins que, comme tu as mentionné tout à l'heure, que ça veut dire que Satan connaît tout ça, et Satan est capable de faire apparaître ça pour les tromper, pour recevoir la lune. Bon, c'est vous qui m'attaquez. C'est vous qui m'attaquez. Je parle. Parle. Ah, 500. Je parle. Oui, frère. Ok. Oui. D'abord, Nassourou, tu étais musulman, n'est-ce pas? La soeur Claire, le micro de quelqu'un renvoie le gribouillage là. Bon, le frère Nassourou, tu as été musulman et tu sais de quoi il est question par rapport à la lune, les croissants lunaires. La sœur Claire, d'un, fermez ton micro, vois s'il te plaît. Non, c'est pas la sœur. Oui. Il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert et qui crée ce dérangement-là. Alors, je tente de dire que lorsque vous lisez la Bible, la religion musulmane, toute religion de la terre est coordonnée par des esprits. D'abord, c'est la première chose là-bas. Toute religion sur la terre est coordonnée par les esprits. Parce que ce sont eux qui inspirent cela. Non, ça c'est la chair. Non, c'est la soeur Abetine. La soeur Abetine, ferme ton micro, ça fait la même chose comme tout à l'heure. Ce n'est pas la soeur Claire. La soeur Abetine, ferme ton micro. La soeur Claire, c'était pas ton micro. Veuille me pardonner. C'est la sœur Abetine. Voilà. Alors, je disais que toute religion sur la terre est coordonnée, créée par les démons. C'est la première des choses que vous devez savoir. Alors, si ce sont les démons qui le font, Amen. Voilà. Si ce sont les démons qui le font, le but pour lequel ils le font, c'est pour que le culte leur soit rendu, afin de déchoir et détourner les gens de la voie du Seigneur pour obtenir leur adoration. C'est la chose que nous devons savoir. Cela étant, s'il y a un culte qui se tourne autour de la lune et autour des étoiles, ça veut dire clairement que Dieu doit nous avoir prévenus par rapport à cela. Mais souvenez-vous que les hérésies vont toujours sortir de la Bible. C'est-à-dire quoi? Il y a des aspects, des choses qui se trouvent dans la Bible. Maintenant, allons dans la Bible, regardons quelque chose. Ouvrons le livre des psaumes. Allons-y, vous allez voir quelque chose là-dedans. Merci Père. Ouvrons le livre des psaumes. On y va. Oui, frère, le psaume. Le psaume 136. Psaume 136, le verset. Lisons les versets 1 jusqu'au verset 9. Lisons, on va obtenir quelque chose. Allons-y. Louez l'Éternel car il est bon. Oui. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands lumineux, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Celui qui frappa les gens. Non, c'est bon. Verset 9. Donc, vous voyez effectivement qu'il est dit là, dans ce livre, dans ce verset 9 là, que Dieu a fait le soleil pour présider au jour. Pour présider. Donc, le soleil est le président du jour. La lune et les étoiles sont les présidents de la nuit. Nous sommes d'accord? Amen. Gardez-vous à l'esprit ce que je suis en train de dire maintenant par rapport à ces choses. Il dit non. Regardez. Maintenant, allons dans le psaume 121. Lisons le verset 1 au verset 6. Le frère Méchi, ta lecture est bonne, ta connexion est bonne. Donc, veuillez nous lire cela vraiment à haute voix. Allons dans le psaume 121 cette fois-ci. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est un homme à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il dit le soleil n'était. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Maintenant, regardez-moi maintenant, vous avez dit que je parle, non? Ok, je veux que vous me dites, qui sur la terre le soleil ne le frappe pas. Personne, frère. Mais Dieu dit ici qu'il doit garder ses fidèles pendant le jour. Et là, on n'est pas en train de parler de l'après-résurrection, ni de l'après-jugement, ni de l'après-terre. Parce que dans la nouvelle terre, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Nous sommes d'accord. Donc, Amen. Ce que nous sommes en train de présenter, c'est que le Seigneur présent ici, c'est effectivement sur la terre où il y a un temps pour toutes choses. Mais il dit que le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. La lune frappe les gens pendant la nuit, frère. Vous avez la lune chauve? Non. Relis encore ce verset. Relis encore verset. Je vais parler. Allons-y. Pendant le jour, le verset 6 de Psaume chapitre 21. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Donc la lune, elle n'est pas censée faire quoi pendant la nuit, frère? N'est pas censée nous frapper. Ok, je pose la question. La lune frappe quelqu'un comment? Au moins le soleil, on voit comment ça chauffe. Dites-moi comment la lune frappe quelqu'un. C'est, je pense que c'est pas le soleil et la lune qu'on connaît là, c'est autre chose. Qui a autre chose? La sœur Isienne, tu es en Arabie Saoudite, à côté du Jeddah. Il y a le vent de sable avec des vents violents, le vent chaud qui vient du côté du désert. C'est ça? Est-ce que la lune frappe là-bas de votre côté aussi? Vous voyez comment le vent bouge son hijab là-bas. La lune frappée, non. Donc Dieu a menti alors. Et si c'est le soleil qui frappe le plus, hein, pas la lune. Attends, dans ce cas, pourquoi Dieu dit que le soleil ne te frappera pas pendant le jour ni la nuit? Parce qu'il a dit ni la lune pendant la nuit. Ça veut dire que ni la lune t'est frappée pendant la nuit, n'est-ce pas? Hein? Alors la question maintenant c'est qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tente de répondre là, ma soeur. Il sait qu'il y a trop de sorcellerie. La soeur, ils ont fermé ton micro. Il y a le vent maintenant qui vient nous bousculer ici. Là. Il sait que chez vous, là-bas au Congo, là-bas à Brazza, il y a trop de sorcellerie. Vous connaissez bien ces choses-ci. Allons-y, parle-nous. Et beaucoup de dieux. De beaucoup de dieux, voilà. Je crois avoir compris que le soleil dont il parle, ce sont les souffrances qu'on endure sous le soleil. Et la nuit, ce sont les attaques spirituelles qu'on peut avoir. Voilà. Parce qu'on est attaqué le jour et la nuit. Donc, ça veut dire clairement, merci, c'est le Gigi. Mais toi-même, là, tu as fait la sorcellerie aussi un peu. Frère, merci, tu connais ces choses-là, n'est-ce pas? Il ne dit pas que tu es sorcier, quoi. Quelque chose. Vraiment. C'est parce que j'ai longtemps souffert de ces choses. Oui. Je te rappelle de mon témoignage. Oui. Voilà, merci. Alors, il y a des gens, il y a des femmes qui ont des règles douloureuses alors que c'est causé par les démons de la lune. Ah, waouh. Il y a des gens dont leurs problèmes se trouvent sur la lune, d'autres personnes qui se trouvent, dont on trouve leurs problèmes dans le soleil. Ça veut dire que ce sont des entités, les planètes ont des entités qui les gouvernent, au point où Dieu en nous dit clairement que même si les gens utilisent la sorcellerie de la lune pour vous attaquer, il va veiller sur vous, ça ne va pas vous frapper. Même dans la journée, le soleil ne peut pas vous toucher. Bon, grosso modo, c'est ce qu'il en a dit. Maintenant, allons dans la Bible, regardons bien effectivement qu'il avait prévenu cela. Parce qu'en réalité, il y a des esprits dans ces planètes-là. Allons-y, dans le livre de Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4. Vous y êtes. 5 sur 5. Verset 19. D'abord, et puis on va aller au chapitre 17. Que Dieu vous bénisse ce matin, Maro, dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Amen, amen. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Oui. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Amen. Donc vous voyez effectivement que Dieu avait prévu et a prévenu les gens qu'il y aura un culte du Dieu soleil, un culte de Dieu lune, un culte des différentes étoiles. Vous voyez cela? Donc ici dans ces versets sont contenus dans cette divinité-là. Où est le frère Nassourou? Il est où? Écoutez mes chers amis. Le frère Nassourou, il est. Le frère Nassourou, où est-il? Vas-y. Bon, il faut qu'il arrive avant qu'il dise ici. Bon, on devait parler d'autre chose. Donc, dans ce verset-ci est contenu. La sœur Claire en train de marcher là, et ça, il y a des redondances, des sons là. Alors, dans ce verset du chapitre 4 de Deutéronome, verset 19, est contenu. Ce verset-ci, dans ce verset est contenu. La loi de l'horoscope dont Dieu nous interdit. Il n'a pas besoin d'utiliser le mot horoscope. Et c'est pas ce que c'est ici. Dieu dit ici qu'on veille sur toi-même et sur notre âme. Or, tout à l'heure, nous étions en train de voir le cas des pseudonymes, de l'avatar, des Jeux Olympiques. On voit effectivement que le travail, c'est le travail de notre âme. Or vous pouvez avoir la victoire sur le plan physique, vous pouvez avoir n'importe quoi sur le plan physique, et puis vous voyez qu'en réalité c'est notre âme qu'on a délivrée au diable sans s'en rendre compte, parce que c'est le culte qu'on a de rendre. Comme on a lu dans le site internet cnrtl.fr là, nous voyons effectivement qu'il est question des cérémonies, et lors des cérémonies d'ouverture et au-delà des cérémonies de clôture des Jeux Olympiques, on voit effectivement qu'il y a des cérémonies, des festivités, des danses qu'on fait, des ballets, ainsi de suite. On va voir effectivement de façon moderne que c'est juste qu'on appelle ça les chorégraphies. On dit que ce sont des chorégraphies seulement pour enchanter. Mais ceux, les initiateurs et les concepteurs de ces choses-là savent de quoi il est question. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que le frère Nassourou est là avant qu'il dise ce qu'il a dit? Oui, oui, il est là. Le frère Nassourou. Frère Nassourou, tu nous entends? Il doit avoir. Non, non, non, n'interrompez pas juste parce que j'ai fini ceci. N'interrompez pas. Le frère Nassourou, tu m'entends? C'est la soeur Albertine dont le micro fait toujours comme ça. Ferme ton micro. Lorsqu'on va finir, on va revenir vers toi. Attends d'abord, il faut qu'on traite cette divinité étrangère ici-là. Je vous entends. Voilà, tu nous entends maintenant. Nous étions dans les livres de Deutéronome chapitre 4, verset 19. Je ne sais pas si tu es au courant de cela. Le micro. Alors, le frère Nassourou, tu m'entends? Oui. Tout à l'heure, nous avons pris connaissance de Deutéronome chapitre 4, verset 19. Je ne sais pas si pendant qu'on lisait, tu nous entendais. Non, non. Ok, bien. Toi-même, lis donc avant qu'il lâche ce qu'il veut lâcher maintenant. Maintenant, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Allons-y. Il est écrit Deutéronome chapitre 4, verset 19. Veille sur ton âme de peur que. Levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc ça veut dire que Dieu se réserve l'exclusivité de l'adoration de ses enfants. Et il dit clairement que c'est les peuples des autres nations qui vont faire ce style de culte-ci, que le culte qu'il attend à ses enfants. Au chapitre 17, verset 3, vous allez voir la même chose. Au chapitre 17, verset 3, il va dire, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que j'ai commandé. Donc Dieu n'a pas commandé ces choses-là pour ses enfants. Maintenant, ce qu'il dit ici est très important parce qu'en réalité, ça veut dire qu'il a donné directement aux païens, c'est-à-dire à d'autres peuples, de faire ce style de choses. Il peut faire cela, il n'y a pas de problème. Dans le livre d'Amos, il va parler de Dieu enfant. Et l'Acte des Apôtres, au chapitre 7, l'apôtre, quoi, le frère Étienne va réitérer cela. M'avez-vous offert des encens et vous avez transporté le Dieu de votre étoile, l'étoile de votre Dieu enfant dans le désert. Répétant ainsi ce que le prophète Amos avait dit. Maintenant, ce que son ami dit, c'est que l'armée des cieux, la lune, les étoiles, la Bible déclare que le culte qu'on leur rend est interdit en milieu des croyants, n'est-ce pas? Alors, mon frère Nassourou, et vous, amis musulmans qui m'écoutez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que les musulmans servent la lune et les armées du ciel. Amen. La Bible déclare que le culte musulman était même longtemps, même avant que les juifs ne soient sur la terre. Donc, ça veut dire que ce sont les satans, c'est les démons qui ont inspiré cela. Parce que Dieu interdit ces styles de culte, ça veut dire que c'est pas le culte qui lui est adressé. Il dit que, mais à son peuple, il dit que veille sur ton âme. Ça suppose que tous les islamistes, enfin, les islamistes les plus chevronnés qui sont dans le satanisme, ils savent de quoi il est question. Ils savent qu'ils sont dans une autre dimension du deuxième ciel où c'est un autre culte, une branche satanique de Lucifer. Alors, tous ceux qui sont dans l'islam servent Satan parce qu'ils sont prosternés devant l'armée des cieux. Et maintenant, l'histoire de la religion montre clairement qu'avant que Mohamed ne vienne avec ces fausses prophéties, avec les trucs là-bas, en mélangeant le christianisme, ce syncrétisme qu'il a mélangé le christianisme avec le judaïsme, avec le paganisme là-bas, pour sortir la religion, si, qu'avant qu'il ne vienne, on adorait déjà le Dieu lune. C'est clairement le signe de croissant lunaire avec l'étoile est attesté longtemps avant la religion musulmane. C'est le symbole qu'on met sur la mosquée, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc ce n'est que de la même façon donc, comme nous avons vu tout à l'heure là que les Jeux Olympiques qu'on adorait avec Zeus, vous ne verrez jamais dans les Jeux Olympiques modernes fait allusion à Zeus. Parce que sinon ça va attirer la curiosité des gens. On ne peut pas dire maintenant célébrons Zeus. Mais ceux qui font ce culte là savent qu'ils sont en train de faire un culte clairement à des divinités. Voici la Coupe du Monde. On parle maintenant de Coupe du Monde. Du monde. La Coupe du Monde, c'est-à-dire que tout le monde entier est concerné. Non, mais c'est quand même terrible. Et donc, je peux continuer? Et donc, vous voyez que tout à l'heure, on a pris le cas des Jeux Olympiques et on a vu effectivement que de façon archaïque, dans l'Antiquité, en 776 avant Jésus-Christ, ça s'est pratiqué. Et vous voyez que de façon moderne, ça se pratique maintenant, mais avec des aspects culturels qui sont impliqués avec le modernisme, au point où on ne voit pas l'aspect culturel qui se cache derrière. C'est l'aspect culturel qui est adressé aux divinités. L'aspect distraction culturelle est adressé à la sensation humaine, aux âmes humaines, pour pouvoir les embrigader dans ces choses, parce qu'ils se disent que non, c'est leur façon de se distraire, il faut quand même qu'on se distraire sur la terre. Or, leurs âmes, parce que Dieu dit ici dans Deutéronome chapitre 17, de veiller sur vos âmes. Tout ce qu'on gagne là, ça ne fait rien. Et Jésus a dit à quoi c'est vrai un homme de gagner le monde entier, de gagner la coupe du monde s'il perdait son âme. C'est ce que le Seigneur, ce que notre Dieu dit. Alors, lorsque la Bible nous parle ici des lunes, et on voit effectivement que la religion musulmane est sortie plutôt avec le croissant lunaire, et ils observent leur culte à partir de là, au point où le ramadan, pour qu'on puisse faire quelque chose, il faut qu'on observe la lune pour voir en quel endroit la lune se trouve et autres là-bas pour pouvoir couper le jeûne. Vous voyez effectivement que ça, en réalité, c'est ce que Dieu a donné aux nations. C'est normal qu'ils font cela parce qu'ils font en train de faire le culte des dieux du soleil. Vous voyez cela, le Dieu, les divinités de l'armée des cieux. La Bible appelle l'armée des cieux. Dieu a dit donc à son peuple de ne pas se tourner vers eux pour se prosterner devant eux. Alors les musulmans servent les démons, servent les divinités étrangères qui étaient jadis dans l'Antiquité parmi les païens. Donc on a seulement modernisé en rendant le culte maintenant normal où les gens portent la barbe avec les gandoras blanches. Ce n'est pas le fait qu'on porte le blanc en faisant des ablutions qui vont faire de telle enseigne que le culte soit agréable à Dieu. Que non, c'est parce que dès le départ, Dieu a donné cela aux gens de cette terre-ci. Mais les gens de Dieu... on reçoit dans leur esprit cette révélation. Dieu est esprit, on doit l'adorer en esprit et en vérité. Vous voyez cela? Voilà la vérité. Amen. Dieu est esprit. Alors c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que l'armée des cieux dont vous voyez dans la Bible là, ce sont des... Regardez bien très attentivement là où je suis parti. On est parti dans le livre du Psaume 138 où je vous ai montré 36 où je vous ai montré clairement qu'il est question de la lune et du soleil qui ont été faits pour présider à la nuit le jour et la nuit respectivement. Et le psaume 121, verset 6, on a vu effectivement que Dieu a dit, par sa protection, par sa main tout-puissante, la lune ne doit pas frapper quelqu'un la nuit, le soleil ne doit pas frapper quelqu'un le jour. Donc, il y a des esprits qui travaillent dans ce domaine-là pour pouvoir manipuler les jours et les quotidiens des personnes sur la terre. Maintenant, regardez très attentivement également que ici, donc, Dieu donc dit que c'est l'armée des cieux qui coordonne cela. Donc, il y a des anges déchus qui se trouvent dans ces planètes-là. Dans le livre de Jude, je ne sais pas si je vais vite, parce que quand ça m'attrape là, je commence à parler là, que ça sort comme la mitrailleuse. Je vais 5 sur 5. Ok, merci. Alors dans le livre de Jude et dans le livre de 2 Pierre, vous êtes habitués. Dans le livre de Jude, vous allez voir effectivement qu'on les appelle les astres errants. Vous voyez cela? Des astres errants dont l'obscurité des ténèbres leur est réservée. On dit clairement que Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres, dans les abîmes. Vous voyez effectivement dans les vides des différentes planètes, ils s'y trouvent. Quand vous entendez les scientifiques dire que nous allons sur Mars pour chercher s'il y a une vie à l'extérieur, ils savent qu'il y a une vie. Mais ils cherchent à coordonner, synchroniser leur technologie avec la technologie terrestre pour évoluer avec eux. En réalité, toute cette recherche scientifique dont font la NASA et la NSA du côté des États-Unis avec tous les acolytes là, ce n'est pas pour la guerre contre le terrorisme sur la Terre, que non. Ce n'est pas pour le développement technologique sur la Terre, que non. C'est pour préparer la route à l'Antichrist, pour préparer la grande guerre, la guerre d'Armageddon. C'est en cela que ça concerne. Parce que les divinités vont descendre sur la terre, irriter la terre, et vont essayer d'obstruer la venue du Seigneur jusqu'à ce qu'ils tentent de faire. Voilà pourquoi la grande guerre et les tremblements de terre qui vont avoir lieu, par la suite où Dieu va bombarder des choses sur la terre, la colère avec la lame nucléaire qui vont tourner entre eux, Dieu va le faire comme ça parce que les démons seront sur la terre, sauf du sang pour que le tiers de la terre puisse périr. Alors, lorsque vous entendez ces recherches scientifiques, on dépense des centaines de millions. Enfin, vous avez vu les festivités de l'inauguration du tunnel Gotha en Suisse. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Vous avez vu effectivement ce tunnel-là qui est créé pour pouvoir transcender le temps. Où on va bombarder les étoiles et pour aller dans le temps. Frère, nous sommes mal barrés. Satan a foutu la merde partout. Le temps est fini. Alors, mes chers frères, la lune et les étoiles sont coordonnées. Non seulement cela, et tous les autres sont coordonnés par des puissances des ténèbres qui ont été délocalisées du ciel de Dieu. Ils ont hérité là-bas, se trouvent là-bas. Vous entendez dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 14. Allons-y là-bas, lisons quelque chose. Lisons-y. Que Dieu vous bénisse. Amen. 14. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9 ou 10, comme ça, jusqu'à 12 même. Acte 14, partie du verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble de la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude des Juifs et des Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et écrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie. Frère Meshi, lorsque cet homme a été guéri, qu'est-ce qui s'est passé avec la foule? Ou bien, non, continue. Allons-y à partir de verset 8. Lisons à partir du verset 8 maintenant. Tu n'y es même pas encore. J'étais plongé dans une autre méditation et puis, avant de t'entendre parler encore. Allons-y, verset 8. Verset 8, hein? Oui. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, oui, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Mmh. Il écoutait parler Paul et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Vous entendez ça? Verset 12. Oui, verset 12. Verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Stop. Parce que c'était lui qui portait la parole. Donc, vous voyez donc que dès ce moment-là, les gens connaissaient déjà qu'il y a des divinités sur les planètes. Vous voyez cela? Et ils appellent l'autre Jupiter et l'autre Mercure. Et Mercure, c'est une planète. Jupiter, c'est une planète. Et donc, ils ont vu que, ils disent que ce sont les dieux sont descendus vers nous. Ça veut dire qu'ils savent ce qui se trouve là-bas. Vous voyez ça? Allons dans le livre de Daniel. Vous êtes fatigué? Non, plus en forme. Ok. Prenez la Bible, prenez un document, enfin la feuille, notez quelques versets. Je vais vous donner, on va les parcourir pour que vous voyez les conséquences de toutes ces choses là. Notez Sophonie au chapitre 1. Sophonie chapitre 1. Verset 1 à, prenons jusqu'au verset 6 comme ça. Verset 1 à 6. Notez. Daniel chapitre 4. Verset 35. Chapitre 8, verset 10. Tout à l'heure, j'ai dit là que lorsque les gens partent faire la recherche scientifique, dont vous voyez chaque fois de façon moderne sur CNN, sur Euronews et autres là-bas, c'est pour un but bien précis. Vous allez voir ça dans le livre de Daniel tout à l'heure là. Donc, les deux versets que je vous ai donné dans le livre de Daniel, nous allons lire ça tout à l'heure. D'accord, frère? Notez le livre du prophète Jérémie. Livre du prophète Jérémie, verset 1 à 2, non, chapitre 8, verset 1 à 2, chapitre 19, verset 13. Je crois que si quelqu'un est rapide, il peut aussi écrire ça sur le forum pour que les gens qui vont, quand ils vont venir en différé, puissent voir cela. J'ai dit Jérémie, chapitre 8, verset 1 et 2, chapitre 19, verset 13. Vous y êtes, frère. Le livre du prophète Ésaïe. 5 sur 5. Le livre du prophète Ésaïe, enfin. Verset 34. Chapitre 34, verset 4. Voilà. Maintenant, on va commencer par lequel. Vous connaissez l'histoire du prophète Jérémie et tout ce qui se passe là-bas. l'énervement du fait que Dieu les a livrés au carnage, à la captivité. Et Dieu dit le pourquoi ils ont fait, c'est à cause de l'idolâtrie qu'ils font à Jérusalem, au point où ils vont manifester tout leur mécontentement et leur désobéissance. Le prophète va parler de la part de Dieu, n'importe comment, ils ne vont pas comprendre parce que leur cœur était déjà tourné vers les divinités. Allons découvrir cette divinité dans là maintenant. Premier verset du chapitre de Jérémie dont je vous ai donné. Allons-y, frère Meshi. Jérémie chapitre 8. Donc, pendant que vous allez chercher ça, vous qui m'écoutez, faites attention au style de culte qu'on rend aujourd'hui. Vous allez voir effectivement que les gens vont vouloir collaborer avec les catholiques en disant que non, nous savons le même Dieu parce qu'ils appellent le nom de Jésus. S'ils appelaient Satan là-bas, vous ne partirez pas. C'est pour ça qu'il faut qu'ils mettent le nom de Jésus derrière. Oui, non, chez les musulmans, on passe quand même nos frères. On pas manger avec eux. Vous mangez avec les dieux enfants, les dieux soleil. Vous m'amusez. Allons-y, frère. Jérémie chapitre 8, le verset 10. 1 à 2. 1 à 2, voilà. En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront comme du fumier sur la terre. Frère, vous entendez ce que les gens de Jérusalem, qui est un peuple de Dieu, à qui tout à l'heure nous avons lu dans Deutéronome chapitre 4, que Dieu leur avait donné de façon exprès les avertissements que lorsqu'ils seront entrés, qu'ils veillent attentivement sur leur âme. C'est justement ce sur quoi Dieu les interdisait, qu'ils sont venus, qu'ils sont allés faire. Et nous voyons effectivement que Dieu dit clairement qu'ils ont servi. On a parlé de le soleil, la lune, et devant toute la mer des cieux, on dit qu'ils ont aimé. Le cœur était détourné totalement vers le leur. Ils ont servi, ils ont suivi, ils ont cherché quatre choses, frères, qu'on devrait faire pour le Seigneur. C'est plutôt à la mer des cieux, la lune, le soleil et les étoiles qu'ils ont fait. Chapitre 19, verset 13. C'est terrible, pas vrai? Franchement. Chapitre 19, le verset 13. Oui. Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront impures comme le lieu des prophètes. Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux. Et on faisait des libations à d'autres dieux. Donc, vous voyez effectivement que, regardez, et nous le faisons aujourd'hui. Regardez très attentivement. La Bible déclare qu'à Tophet se trouvaient les lieux de culte d'idolâtrie où on faisait de l'encens. Où on voit effectivement dans l'église catholique aujourd'hui comment on brûle de l'encens. On brûle de l'encens. Il n'y a pas de justification pour brûler de l'encens. Ils brûlent ça au Dieu soleil, à l'armée de ceux qui livrent cela. Pas étonnant donc qu'ils prient les saints. Ils prient les saints anges. Ils prient, vous entendez, ils prient Michael. Il prie Raphaël, il prie Samatiel, il prie tous les autres anges qu'ils appellent Ézéchiel, et tous les autres, je ne sais pas d'où ils prennent le nom là-bas. Alors vous voyez effectivement que le même culte de l'idolâtrie de l'armée des cieux se trouve en plein milieu de l'église catholique, la Grande Babylone aujourd'hui. Maintenant on dit donc qu'ils brûlaient les lances et puis ils faisaient des libations. Vous voyez les libations, on prend, regardez si vous voyez, je ne vois plus les vidéos, excepté la vidéo de Meshi et de ma bien-aimée Jésus. Alors on prend des libations, les produits, on verse sur la terre en parlant. Vous voyez, les Africains font ces choses aujourd'hui. Oui, frère, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Voilà. Les libations, vous voyez effectivement qu'il y a des gens qui vont au champ, pour ceux qui sont en Afrique, ils vont au champ. Quand ils veulent manger, ils prennent des choses comme du vin ou bien de l'eau, ils versent au sol en parlant des choses. D'autres vont dans leur village, dans leur culture, ils versent au sol en parlant. Là, sur le plan africain, ils disent non, nous parlons à nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres. Or, c'est à la main des ciels qui font comme ça des libations. Vous voyez, les divinités. Des divinités étrangères. Voici ce que Dieu dit. Souvenez-vous de ceci. Lorsqu'on parle d'Apollon, lorsqu'on parle de Jupiter, lorsqu'on parle de Mercure, il ne s'agit pas, je veux que vous compreniez bien cela, il ne s'agit pas seulement de la planète en boule, comme on voit. Il s'agit des entités. Bon, mais de toute façon, je crois que vous voulez que je parle, frère. Amen. Ok. Regardez, pour ceux qui sont de l'Église catholique, les prêtres et les grands évêques de l'Église catholique doivent savoir que je suis en train de parler. Les bagues de pape dont on baise là, la bague de pape, vous savez, où les gens se prosternent devant le pape en baisant leur, sa bague. Maintenant, les bagues de pape sont faites en un style de pierre, ça peut être l'émeraude, alors que pour l'autre, elle fait du jaspe. Les évêques, les archevêques et autres, chacun a des aspects de pierre. Et cette bague-là, cette pierre précieuse qui se trouve sur ces bagues-là, sont reliées automatiquement avec une planète. Je veux toute votre attention, toute votre attention. J'ai dit, les bagues, vous appelez les chevaliers ou n'importe quoi que vous avez, ce que les évêques portent là, ne les voyez pas comme ça. Ce sont des grands sorciers, des grands pratiquants du démonisme. Lorsque vous voyez ces bagues qu'ils portent entre les mains, là, enfin, ceux qui sont là-bas doivent savoir de quoi il est question. Moi, je parle seulement, je parle. Ça fait seulement pas quoi ça fait. Alors, ils ont sur leurs bagues là, les bagues là sont connotées, avec, ça fait avec des matériaux. D'autres sont incrustés avec des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses là sont en référence à des différentes planètes selon les grades qu'ils ont. Si celui qui commande est plus puissant et que c'est Jupiter qui commande, la pierre va correspondre à Jupiter. Donc, lorsque, écoutez, chers amis, lorsque vous baisez les bagues du pape, vous vous prosternez devant l'armée des cieux qui se trouve là-bas représentée. Puisse le peuple de Dieu se réveiller. Lorsque vous prosternez devant un évêque en baisant sa cage ou bien quoi que ce soit, c'est devant cet esprit-là qui correspond, qui l'incarne sur la terre, sa représentation. Vous vous souvenez dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11, où on parle des cultes idolâtriques au niveau de Dieu, du temple de Jérusalem. La Bible déclare que Dieu avait fait voir à Ézéchiel les différentes représentations qu'ils avaient faites au mur, tout autour au mur. Et Dieu dit que ce sont ces choses-là qu'ils ont fait pour faire quitter sa gloire dans ce lieu-là. Or, ces personnes-là servaient Dieu dans le temple en appelant le nom de Dieu, le nom de Dieu. Mais dans le secret, ils avaient des idoles au mur, tout autour au mur. Et le Seigneur est allé même jusqu'à dire qu'il y a des femmes qui pleurent Tammuz. Vous voyez cela, Tammuz. Et d'autres se tournaient vers le soleil. Il se tournait, il se prosternait vers le soleil. Frère Barré, Satan a mélangé. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est que dans l'Ancien Testament, on voit se toucher sur Tammuz. Il ne prendra pas le nom Tammuz aujourd'hui. Vous voyez? Mais il va prendre les aspects culturels et modernes aujourd'hui. Ça se trouve enfoui dans la musique, enfoui dans les nouvelles religions. On va mettre Jésus qui sauve. Mais à l'intérieur, ce sont les divinités étrangères qu'on a envie d'adorer. Vous allez voir église sans de Jésus, sans précieux de Jésus, mais à l'intérieur, c'est un culte démoniaque qu'on a envie de pratiquer. Pas étonnant qu'ils ont peur de la sainte doctrine. Pas étonnant qu'on dit n'importe comment, quand vous prêchez la vérité, à cet instant-là, les gens se dressent contre vous. Parce qu'en réalité, ils sont dans le culte idolâtrique. Maintenant, lorsque vous voyez donc ces choses se pointer là-bas, à Jérusalem se trouvent donc des gens qui servent de façon consciente Lucifer, mais avec des aspects des dieux. Parce qu'il ne faut pas qu'ils présentent ça aux gens pour que ça blesse la sensibilité. C'est donc pour cela qu'on passe à la séduction. On a comme impression que c'est la vérité, mais à l'intérieur se trouve des cultes pour amener les âmes à Satan. Mais maintenant, Dieu a dit dans Deutéronome 4, verset 19, « Veille attentivement sur ton âme. » Donc, chaque personne doit veiller sur ton âme pour voir que ce qu'il en a fait, c'est effectivement ce que Dieu a dit. Alors, je tente de dire que les bagues dans lesquelles sont incrustées les différentes pierres précieuses, que ce n'est pas seulement les prêtres catholiques, mais je sais que c'est eux qui ont amené cela. Les pasteurs. Oui, et les pasteurs. Il y a les pasteurs maintenant qui vont connoter cela. Vous entendez que non, voici la bague, ma bague, j'ai pris cela en Égypte. D'autres partent en Inde pour qu'on charge. On dit que la bague est chargée. La bague, c'est le courant. C'est une batterie pour qu'on puisse charger. Donc, on dit qu'on va magnétiser. On dit qu'on va magnétiser. Vous voyez le mot, voilà les mots. On va magnétiser sa bague. Magnétiser, ça veut dire quoi? On te met en collaboration. Déjà, ces styles de pierres viennent. Ce sont les démons qui les amènent de l'autre monde. Vous voyez cela? Pour créer le contact, pour créer le lien. C'est un peu comme une puce. Ou dans lequel les gens de FBI peuvent mettre sur votre vêtement. Quand vous allez n'importe où, ces puces-là contiennent des informations pour vous repérer où vous vous trouvez. Et émettent des ondes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est ça qui se passe. C'est avec ça que les gens travaillent dans le monde des ténèbres. Alors, la Bible déclare donc que ces personnes sont prosternées devant la main de ceux qui ont servi. Et donc, on prend effectivement que de façon moderne, on le fait encore, mais ils ne voient pas qu'en réalité, c'est ce culte-là qui sont de rendre. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, toute personne qui se trouve dans les religions, les régions du soleil, les régions des musulmans, vous voyez que sur la terre, la grande religion du soleil est représentée par l'église catholique. Vous voyez le hostie avec le culte du dieu soleil, toutes cinq qui sont en train d'appeler. Ils s'appellent cinq castors et autres, alors que ce sont des anciennes divinités. De la même façon, de l'autre côté de la branche, ça veut dire que vous fuyez la lune. On y va. Amen. Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Vous avez remarqué que les deux grandes religions sur la terre, les deux grandes religions, c'est le catholicisme et l'islam. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué que les deux grands luminaires sont le soleil. Il dit, il dit sur la terre, c'est le soleil et la lune. Vous avez remarqué? Amen. Amen. Vous avez remarqué que la grande religion sert en plein jour avec l'habit blanc et ils servent le Dieu soleil tout autour, le rayon. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? L'autre qui contrôle à 5 heures brûle les gens avec Allah sur le toit où cette lune-là est debout. Vous avez remarqué? Les voilà. Les voilà. Alors continuons maintenant. Maintenant, regardez très attentivement. J'étais en train de vous la donc dire aux gens que sachez que quand la Bible parle de l'armée des cieux, ce sont des êtres physiques qui se trouvent dans les cieux, pas dans le ciel de Dieu, dans les différentes sphères célestes. Et donc, ce sont ceux-là qui contrôlent les planètes que les gens contactent dans leur adoration pour avoir de l'argent, pour avoir des choses. Ce n'est pas seulement dans les cieux en haut. Sur la terre, ça se trouve, il y a des divinités en bas. Il y a la reine de la côte en bas, il y a la côte atlantique, la reine de la côte atlantique. En fait, il y a même les anacondas en différentes sphères. C'est désagréable ce bruit-là. Vous ne voulez pas que je parle, je vais parler. Il faut qu'on dénonce ces œuvres de ténèbres. Même si vous faites des bruits, on va parler. Amen. Voilà. Donc, les reines de différents niveaux. Selon les niveaux, il y a des gens qui seront dans les eaux, qui vont faire acte avec les esprits des eaux, qui ne toucheront jamais le deuxième niveau ni le troisième. D'autres vont aller jusqu'au septième niveau où la principale reine se trouve là-bas. Ce sont des divinités, des démons qui sont chassés dans ces eaux-là. Alors, Dieu va les traiter. Principalement pour ceux qui sont en haut, écoutez très attentivement. Pour ceux qui vont rester ici dans l'enlèvement. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va rouler le ciel. Quand on dit de rouler le ciel, ça veut dire qu'il va secouer le ciel pour chasser les chassés de là-bas. Ils vont hériter la terre. Allons dans le livre d'Isaïe, chapitre 34, que je vous ai donné, et lisons ce que Dieu va dire par rapport à eux là-bas, quand ça va se passer. La sœur Isienne bien arrivée encore. Et va comment tu es content aujourd'hui, vraiment. Isaïe 34, verset 4. Le verset 4, qu'est-ce que ça dit, le frère Méchi? Toute l'armée des cieux oui. se dissout. Oui. Les cieux sont roulés comme un livre. Oui. Et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Oui. Vous avez entendu ça? Amen. Regardez très attentivement que vous voyez que on a des problèmes de compréhension de la Bible. Si on parle de l'armée des cieux et que les gens comprennent que ce sont des planètes, c'est-à-dire que des planètes stéréotypées ou bien des planètes physiques et ponctuelles, comme Jupiter, Mercure, Neptune, ainsi de suite, Vénus et autres là-bas. Maintenant, vous voyez que si on dit que Dieu va rouler et ça va tomber, quand ça tombe, c'est par rapport à la Terre qu'on a dit. Le point de référence, le point de chute, c'est la Terre. La Terre, c'est l'une des plus petites planètes. Jupiter seulement est trop trop grand par rapport à la Terre. Donc, on ne pourra pas dire que les planètes tombent sur la Terre. Les planètes tombent sur la Terre, ça n'a pas de sens. Donc, ce sont les êtres spirituels qui vont tomber et hériter sur la Terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand Dieu dit il va les secouer, il va secouer pour qu'ils descendent sur la Terre, parce que ce sont les êtres. Étant des êtres, Satan est descendu avec le tiers. Ils peuvent venir tous sur la terre ici, entrer dans des corps, parce que dans un seul être humain, dans le livre de Marc, chapitre 5, on a vu que 6 000 pouvaient habiter dans un corps. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, si 6 000 peuvent habiter dans un corps, ça suppose que peut-être 1 million, il y aura un être humain sur la terre qui aura 1 million de démons en lui. Et ces démons-là c'est très grave, oui, c'est très grave. Ces démons-là sortiront du ciel. Des cieux, on parle des années. Ça veut dire qu'ils vont venir sur la terre exactement. Souvenez-vous que dans le livre de Genèse, on dit que dans l'époque de l'Antiquité, il y avait des gens qui étaient fameux sur la terre. Des gens qui étaient fameux, de grands géants sur la terre. À ce temps-là, ils vont revenir, dit la Bible. Donc ils vont revenir. Lors de la confrontation finale, il y aura les géants sur la terre. Et ce sont des gens qui sont possédés, incarnés par le démon. Alors voilà là où la terre est de se diriger. Ils vont s'entretuer ici. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de sentiments. L'amour va aller de façon diminuante, jusqu'à ce que le Saint-Esprit quitte la terre. Et à ce moment-là, ce sera la haine qui sera la règle. Ce sera comme si c'était la jungle. Alors, on peut continuer, mes chers frères. 5 sur 5. Daniel, alors, lisons les deux passages de Jérémie. Non, pas de Jérémie, de Daniel cette fois-ci. Nous avons lu quelques passages, n'est-ce pas? Daniel chapitre 4. Le verset 35 et 8, 10. Donc, souvenez-vous que l'église catholique gère le jour, les musulmans gèrent la nuit. C'est les deux soleils, le soleil et la lune. Tous les mystères de Babylone, les mystères de l'iniquité, se trouvent à l'intérieur incorporé dans le Dieu soleil et Dieu la lune. Or, c'est Dieu qui a fait la lune pour présider à la nuit, le soleil pour présider au jour. Pas vrai? Daniel chapitre 4, verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants. Oui. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Oui. Et ils lui disent, que fais-tu? Voilà. Vous voyez que Dieu parle comme ça des êtres. Donc, avis aux scientifiques, ils n'ont pas besoin d'aller poser la question, y a-t-il des êtres, des planètes? Il y en a. Ça, on n'a pas besoin de dépenser des centaines de milliards de dollars pour savoir cela. C'est ce que Dieu dit ici. Il dit que les amis... Or, il ne parle pas des étoiles parce que les étoiles n'ont pas... Les étoiles sur le temps, sur le plan physique. Les planètes sur le plan physique n'ont pas des êtres. Ce ne sont pas des êtres qui respirent ou bien qui peuvent parler. Vous voyez? Ce sont des choses comme la terre. Alors, ici, il dit que... Il parle des habitants de la terre, ne peuvent pas le résister. Les armées des cieux ne peuvent pas le résister. Donc, ce sont les êtres qui habitent ces régions-là. Les astres, on les appelle les astres errants. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ils habitent ces régions-là. Quand ils envoient leur truc là-bas, enfin, c'est même le démon qui les inspire à aller faire là-bas pour qu'ils font les choses. Ils sont déjà en train de contact avec ces choses. Ils savent de quoi il est question. Ils veulent seulement développer les armes à destruction. Ils cherchent un style d'âme qui va bombarder jusque quand il va venir dans les airs. Donc, c'est ça qu'ils cherchent. Maintenant, Dieu a dit dans la Bible, dans Jérémie, dans Matthieu, lisons cela, allons dans l'Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17. Frère Junior. Oui. Oui. Parce que je me posais souvent, c'est juste pour essayer un peu d'avoir plus d'éclaircissement. Oui. Je me posais souvent la question de savoir, est-ce que réellement alors les hommes ont traversé ce ciel jusqu'à trouver les autres planètes? La Bible dit les hommes que nous sommes. Oui, la Bible dit dans le livre des Jacques, dans le Nouveau Testament, que tout genre de choses ont été mélangées et domptées par l'homme. Ils sont entrés, et dans le livre de Job, on dit qu'on est entré même dans le profondeur de la terre pour prendre les choses précieuses de la terre, les richesses qui sont enfouies. Et on voit effectivement comment on creuse les profondeurs de la terre pour aller apprendre l'or, prendre l'argent. Vous voyez cela? Mais on dit que la langue, c'est là. Ils n'ont pas encore maîtrisé. La preuve en est qu'ils font comme ça, ils insultent Dieu. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17. C'est pas ça, mes frères? Amen. Amen. Lion. Apocalypse chapitre 17, écoutez très attentivement, lisez les versets 12 à 18. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, sauf autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance à leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Je continue. Jusqu'au verset 18. Le verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. 10 cornes que tu as vues dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royaume à la bête. Leur royauté. Jusqu'à ce que leur royauté à la bête. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Oui. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Vous avez entendu ce qu'il dit, frère? Oh, non, j'étais en train de dire tout à l'heure là, que tout ce qu'ils font là, c'est pour combattre Jésus. C'est pour combattre notre Seigneur à sa venue. Et ils ne savent pas que c'est même dans le dessein de Dieu qu'ils essaient de le combattre. Dans la recherche scientifique de la NASA, les découvertes qu'ils font là, qu'ils continuent seulement. Qui continue. Mais ils auraient dû nous poser la question, frère Junior, tu es prédicateur, y a-t-il des êtres dans le vivant autres que nous dans la planète? Je leur dirais clairement que vous n'avez pas besoin d'envoyer les sondes là-bas. Vous voyez, on devait prendre cet argent-là pour investir et faire le développement en Afrique. Pas vrai, mes frères? 1 Timothée chapitre 4, le premier verset. Maroc dans la sainteté, que le Seigneur vous bénisse. Je ne vous ai pas oublié. Nous n'avons pas oublié. Recevez la salutation de mon épouse, grâce. Bien reçu. Timothée. Chapitre 4, le verset 1 et 2. Alors, je veux que vous reteniez que tous les musulmans servent les démons qui se trouvent dans les régions inférieures du ciel du Seigneur Jésus. Je veux que vous compreniez que l'Église catholique serve, et comme on a vu dans la Bible, on venait de voir d'après la Bible que l'Église catholique, c'est le soleil qui préside le jour, alors que l'islam, c'est la lune pour présider à la nuit. C'est pour ça que les corollaires sont le soleil et la lune, n'est-ce pas? Vous voyez que si vous lisez la Bible, vous allez voir que les disciples de Jésus-Christ n'ont pas des étoiles ou ni des quoi, des planètes qui les contrôlent. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Voilà. Alors, allons-y, verset 1 et 2. Mais. 1 Timothée 4, 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la l'écriture dans leur propre conscience. Voilà, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Ça, c'est le verset 3 déjà, mon frère Melchior. Alors, d'après ce que la Bible nous dit ici, la Bible nous dit que c'est prévu dans le plan du Seigneur que dans les derniers temps, que les gens quittent la voie de la foi, c'est-à-dire la voie de la vérité, pour s'attacher à des doctrines des démons, à des faux docteurs. Et ces faux docteurs-là portent les doctrines des démons. Donc ces démons-là, sur le plan céleste, inspireront des enseignements sur la terre pour faire un culte pour eux. Et c'est ce que la Bible appelle par le culte à l'armée du ciel, l'armée des cieux. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je vais résumer cette partie. Nous avons vu, en parlant des étoiles, qu'effectivement, les êtres humains, chaque être humain a une représentation des étoiles dans les cieux. Nous avons lu le livre de Genèse, chapitre 15. Nous avons lu Daniel, chapitre 12. Et puis 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 40 et 41. Et pendant que nous lisions, nous avons fait mention de Job, chapitre 38, où on parle du signe des zodiaques. Et vous avez expliqué que le signe des zodiaques, c'est la cartographie spirituelle en 12 planètes qui sont configuration donnée par Dieu. Et c'est cela que les astrologues et ceux qui tirent les augures, le tarot, la nécromancie et tous les autres mancies qui puissent exister, qui les cartographient pour pouvoir savoir. Quand la Bible déclare dans Matthieu chapitre 2 justement que les mages disent que nous avons contemplé son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer, c'est parce qu'ils font des travaux de recherche. Pour ceux qui ont fait la physique, vous avez entendu parler de la loi de Kepler. Vous avez entendu la loi de Kepler, n'est-ce pas? Oui, frère, mais je suis tout à fait d'accord avec la question. Oui, effectivement, qui parle par rapport à la configuration des planètes, au point justement maintenant tasser. Mais de façon moderne, vous voyez effectivement que la physique que vous avez, la physique de Kepler, n'est que l'aspect métaphysique de l'astrologie. Je crois que je fais mieux que j'arrête aujourd'hui comme ça. Là. Mais de toute façon, je fais mon résumé tout simplement et puis on en sort. Alors, vous voyez. Je vous ai déjà parlé en physique, vous voyez par exemple ce qu'on appelle la loi de retour inverse de la lumière, n'est-ce pas? La loi de Schneider-Descartes. Vous connaissez avec cela? Prisme. Avec le prisme. Vous pensez que qui est Schneider-Descartes? Un envoyé du diable. En fait, dans le monde, c'est un savant, mais nous, on sait que c'est. Bon, écoutez-moi encore maintenant. Je vais vous tourner votre attention. Je vais dire quelque chose. Vous avez entendu cette expression si back to sender. Pardon, frère. Vous avez entendu cette expression si dans la prière pentecôtiste back to sender. Vous m'entendez? Oui, frère. Oui. Si vous m'avez entendu, répétez-moi un peu ce qu'il dit pour que je puisse savoir que vous avez bien entendu parce qu'il avait lâché quelque chose encore. Moi, j'ai déjà suivi et chaque fois, il demande même ici. Voilà. Tu demandes que quoi? Chaque fois, il demande aux filles anglophones qui sont ici, elles me disent « Back to sender, Holy Ghost fire voilà. ». Je leur demande ce que ça signifie. Vous allez savoir maintenant. C'est bien. Frère Merci, ça signifie quoi d'abord avant qu'on dise ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Je ne comprends même pas. Je n'ai pas bien entendu « Back to sender ». Back to sender. Retour à l'envoyeur. Sender. Ah oui. C'est vrai que d'après cette explication pentecôtiste, ça se pose donc que si quelqu'un a dit que tu seras stérile, tu renvoies ça à l'envoyeur en disant que c'est toi qui seras stérile. Oh. Donc vous voyez que c'est la loi de retour inverse de la lumière de Schneider-Descartes, n'est-ce pas? Donc les pentecôtistes qui prient cela sont des satanés sans le savoir. Parce que c'est une loi spirituelle du Satan. Ce sont ces choses-là qui sont mises dans les livres de physique. Il y en a plein. Si on parle de la mathématique satanique ici avec la sorcellerie là qu'on enseigne, et jusqu'à ce que le frère Meshé a voyagé du Congo pour venir au Maroc, pour venir apprendre la sorcellerie. Donc, Baudrome ne pas en parler, n'est-ce pas, pour que le gars ne prenne l'avion et rentre le lendemain. Donc, en réalité, vous voyez que la loi des retours inverse de la lumière de Schneider-Descartes, de la propriété qui veut que si on place un prisme et que la lumière envoie d'un, le faisceau lumineux envoie d'un point A, ça reflète en prenant un angle alpha pour un point B. Le, si on place, on change la position des sources. Si ça réfléchit là-bas, ça va faire la même chose, même parcours. C'est ce qu'on appelle le paratonnerre. Donc, pour les sorciers, oui. Parce que oui, frère, parce que il y a une tendance même dans le milieu chrétien, souvent lorsqu'on prie, lorsqu'il y a souvent ces séances de combats spirituels et autres là. Oui. Souvent on fait des déclarations comme je fais des retours. Oui. C'est ça dont on parle. C'est ce qu'on appelle back to sender. Vous allez voir les anglophones, vous allez faire back to sender, back to sender, back to sender. Or, le Seigneur Jésus n'a pas dit cela. Le Seigneur Jésus a été comme pris pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous maudissent, qu'on les bénisse. Il n'y a pas de prière de retour à l'envoyeur dans le Nouveau Testament, en fait, pour le chrétien. D'accord? Ils vont aller demander dans les sommes que Dieu brise les dents qui tombent dans la fosse qu'eux-mêmes ont creusée. Or, maintenant, vous voyez, la loi donc des retours inverse la lumière des Schneider-Descartes, ce sont des propriétés métaphysiques pour pouvoir faire que les gens qui sont initiés puissent aller se déplacer dans un point A, quittant d'un point A de leur corps dans le voyage astral, passant par un miroir de l'âme, puissent revenir en héritant encore leur corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça suppose que les gens qui font de la projection astrale, lorsqu'ils quittent leur corps, ils quittent leur corps en voyageant d'après la loi de la lumière de Schneider-Descartes. Quand ils atterrissent quelque part, le point où ils atterrissent, c'est le point de leur départ, ils vont rentrer en parcourant le même chemin pour entrer dans leur corps. C'est donc pour cela que s'ils font comme ça, on déplace le corps là où ils se trouvent, ils sont perdus dans le plan astral. C'est donc pour cela qu'ils trouvent généralement les endroits calmes où ils seront vraiment, où ils reviendront entrer et hériter dans leur corps. C'est pas ce que vous me saisissez. Oui, frère. Donc, frère, le fait oui. qu'une personne puisse sortir de son corps en voyage astral, est-ce qu'il se déplace à la vitesse de la lumière? Oui, mais la lumière est même très lente par rapport à la pensée. La lumière est très lente par rapport à la pensée. La vitesse de la pensée est plus rapide par rapport à la vitesse de la lumière, 360 000 km par seconde. Là. La vitesse de la pensée est davantage sur le même les théories des grands savants comme des grands comme les Albert Einstein sont fausses. Non, parce qu'ils disent que voilà, il y a la plus grande. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. J'arrive avec Albert Einstein. Merci. Maintenant, regardez, pendant qu'on parle d'Albert Einstein, savez-vous qu'Albert Einstein a fait cette déclaration en disant que le jour où l'homme sera capable de créer un vaisseau spatial ou bien un appareil qui va faire la moitié de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 150 000 km par seconde, l'homme pourra parcourir le plus proche étoile qui est à côté de nous. Ils trouveront telle étoile à telle position. Bon. Oui, le principe de Descendre. Bon, de toute façon, on n'en parle pas de cela aujourd'hui. Mais retenons que l'Église catholique, c'est le soleil et c'est le président du jour. Les musulmans, les anciens amis des Nasuru, sont les présidents de la nuit. Donc, on retient cela aujourd'hui. Donc, vous voyez n'importe qui comme ça, sache que ce sont les présidents de la nuit. Et c'est donc pour cela que vous allez voir effectivement. Non, frère, les deux sont toujours en robe. Oui. Par rapport aux étoiles, souvent, par rapport aux étoiles que nous parlons, parce que par exemple, dans Matthieu chapitre 2, que nous avons lu, on a vu que les mages d'Orient qui ont suivi l'étoile pour savoir la direction à laquelle ils ont mené vers Christ, vers le Seigneur qui venait en fait d'être né. Oui. Et donc, j'ai aussi rencontré c'est-à-dire un homme de Dieu, c'était aussi comme un prophète, et lors de notre entretien, il me dit que ton étoile, c'est-à-dire on a couvert ton étoile. Ça ne brille pas. Oui. Et ma question, c'est de savoir, parce que j'ai pas compris, en effet, en ce temps-là, le sens que cet homme de Dieu me parlait. Je voulais comprendre, quand on dit qu'on a bloqué ton étoile, on a couvert ton étoile, que ton étoile ne brille plus, qu'est-ce que ça veut dire? Et en même temps aussi, est-ce que l'étoile à laquelle nous faisons référence est physique ou spirituelle? Voilà, bonne question. En réalité, l'étoile est physique, parce que les mages ont vu l'étoile du Seigneur. D'accord, c'est physique, c'est une représentation. Lorsque l'étoile s'éteint en haut, lorsque ça s'éteint en haut, tu quittes la terre. Alléluia. Quand l'étoile s'éteint, quand ça s'éteint, c'est un peu comme la lumière. Quand l'ampoule s'éteint, vous quittez la terre. Alors, lorsqu'on dit qu'on a fermé, qu'on a couvert ton étoile, c'est une association qui a fait dire clairement que le Lucifer a envoyé un délégué. Bon, regardez-moi encore, je dis quelque chose. Je crois que vous m'attaquez vraiment aujourd'hui. Savez-vous que par son corps spirituel, un démon est capable de couper, de s'étendre totalement sur tout un pays, son corps spirituel? Aïe. Allô? Oui. Seigneur, oui. Par rapport à ce que tu dis, tu te rappelles de ce que je t'avais dit concernant mon voisin marocain qui sortait de son corps? C'est comme si il étouffait presque tout, je ne sais pas, le quartier. Je ne sais pas comment je fais, mais j'arrivais pas à respirer en le voyant sortir de son corps. C'est comme s'il m'étouffait. C'est pour ça qu'il me réveillait. Je ne sais pas si ça signifie aussi quelque chose. C'est exactement ce que je viens de dire. Il y a des gens qui peuvent sortir, qui dominent dans un quartier. Il peut sortir tout son corps spirituel. Vous voyez quand souvent le canard ou bien les oiseaux font et tendent leurs ailes comme ça. Donc vous allez faire, on va m'appeler maintenant que j'étais un ancien sataniste. Donc c'est mieux qu'on ne parle pas de ces choses-là. Donc de toute façon, souvenez-vous que la Bible dit qu'on doit veiller sur son âme. Hein? On doit veiller sur son âme. Donc, lorsqu'on dit que ton étoile est comme ça, ça prouve que ton étoile est couverte par de l'ombre. Et lorsque ça se passe comme ça là-bas, il y a des répercussions, ce soit tout sur la terre. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a des répercussions. Et c'est quoi? Ce sont des démons. C'est quoi par... La question maintenant, comment on fait pour les déloger de là-bas? La question, c'est comment on fait pour les déloger de là-bas, pour qu'ils quittent là-bas? Et par exemple, si ce sont des démons qui ont couvert maintenant sur la terre, comment ça se manifeste? C'est pour ça que je l'ai dit. Tous les aspects de ta vie sont toujours freinés. Ça, ils ont les sous-préfets ici qui contrôlent, parce que les dominations ont des représentants des autorités ici. On les charge maintenant que celui-ci occupe-toi de lui sur la terre. C'est eux qui vous terrassent. Pour d'autres, ont des oppressions. D'autres ont des malchances de terrain. Quand ils font n'importe quoi, c'est bloqué. Ce sont ces choses-là qui s'en font. Ce sont des obstructions des destinées. Sur la terre, donc, on peut voir les représentants sur la terre en train de faire l'œuvre. D'accord, frère? Alors, c'est-à-dire, frère, que lorsqu'on localise la destinée d'une personne par rapport, c'est-à-dire les entités, l'armée des cieux. Vous êtes fichu, oui. Il y a les représentations ici, des représentants ici qui s'occupent de toi. Un peu comme on peut être géolocalisé quelque part par le GPS et puis on envoie les policiers qui sont sur place, on appelle les policiers sur place, qu'il est à tel endroit, localise-le et traite avec lui. Et pourquoi, frère, pourquoi localiser? Mais pourquoi localiser comment? Pourquoi on les localise? Quels qu'ils sont de si précieux. Quand Hérode a compris qu'on a vu son étoile du côté de l'Orient et on est venu pour l'adorer, il a compris que ce style de grande étoile, c'est le style de l'étoile de quoi? Du roi. Du roi. Et pour la personne qui est roi, qu'est-ce qu'il comprend pour lui? Quelqu'un qui doit dominer. Voilà. Donc, quand on regarde, on dit que le frère Meshi, si fréquent comme ça, il devient un grand physicien avec les aspects, s'il risque de venir dénoncer nos œuvres. Non, il faut qu'on l'empêche de savoir jusqu'au niveau où il doit travailler. C'est donc une question. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est le destructeur des destinées. D'accord? Le frère Nassirou est parti. Quand il dit que les musulmans là servent dans le jour, dans la nuit. Alors, Maroc dans la sainteté, ça fait 3h et 10 minutes que nous travaillons, n'est-ce pas? La toute dernière question. Je crois qu'il va falloir qu'après il vous laisse pour que vous assimiliez cela, n'est-ce pas? Les dieux, les divinités modernes dans les religions, n'est-ce pas? Allons-y. Oui, dernière question, vous ferez Melchi. Est-ce qu'on peut terminer par cette question? C'est-à-dire, comment faire pour les déloger? C'est ça, c'est la question qui est dit. La vraie question, ce serait de comment faire pour les déloger. C'est très simple. C'est vivre dans la sainteté, à outrance. Vous voyez, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, la Bible déclare que l'exercice corporel est utile pour peu, mais la piété est utile pour non seulement pour ayant l'espérance de cette vie et la vie après celle-ci. Donc, lorsque vous vivez dans la sanctification et proche de Dieu, plus que vous approchez de Dieu, plus la lumière, lui, en vous. Dans le livre de Luc, Jean chapitre 8, verset 12, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est la lumière du monde. Si quelqu'un croit en lui, il ne marchera jamais dans les ténèbres. Vous avez vu cela? Mais il aura en lui la ténèbre, la lumière de la vie. Donc la seule solution, c'est que la lumière du Seigneur soit en nous. Et comment faire? Il faut demeurer dans la parole. Il a dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. La solution, donc, c'est de marcher avec Christ Jésus. Amen. Donc, lorsqu'une personne, naît sur la terre, oui. lorsqu'il vient au monde sur la terre, donc ça implique ecto facto qu'il y a une, naissance aussi d'une étoile. Une étoile correspondant à lui. C'est même pas que c'est à cet instant-là. L'étoile est là. Ça brille jusqu'à ce que ça vous manifeste sur la terre. C'est pas que Dieu est en train de créer une étoile maintenant. Comme toi, Dieu ne t'a pas créé maintenant. Il t'a créé avant. Tu te manifestes seulement. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Narod dans la sainteté. On va revenir sur la deuxième partie. Oui, on va revenir sur la deuxième. On va revenir sur la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère qu'on a, on a passé des bons moments, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a passé de bons moments. Mais quoi, Junior? Oui. Oui. Je vais encore plus d'éclaircissement dessus. En fait, je vais te tranquille. Donc, dans la deuxième partie, non, que Dieu vous bénisse. Entends les cris des morts que, qui implorent ta bienveillance. Fais tomber nos offenses. Fais-leur sur notre face. Donne les lèvres impures au bon roi. Oh, j'ai péché contre ta loi, et mes crimes de faute éternelle, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie, purifie mon cœur. Sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Sur la croix, par le germe de l'éternel.